Hey, Julie, ma recherche d'emploi n'avance pas. J'ai besoin de changement et de monter en compétences. Et je cherche un organisme sûr. Passe par le Greta. Ils ont un grand choix de formation dans une dizaine de secteurs, du CAP au Bac plus 5. C'est pas trop compliqué? Mais non, ils te guideront et t'expliqueront comment actionner les bons financements. Beaucoup de formations sont financées par la région Bretagne. Cool, je les appelle. France Inter. Ouais, bonjour Blockbuster, bonjour Frédéric, j'espère que la nouvelle année ça va être plein de petits Blockbusters partout, qui durent au moins 2 heures en podcast et puis en direct, peut-être des moments un jour, on sait jamais, et puis aussi pendant l'été, parce que sans ça, bah, je sais pas comment on va faire pour résister à une année 2023, voilà. Et bah, les bisous. J'en ai marre des mecs, on est Nintendo, là, Bayonetta 6, ça, Mario, gna. Si à 50 balles, t'as pas acheté une PlayStation, bah, t'as loupé ta vie, mec. Qu'est-ce que je te dis ? Allez, salut, je vous aime. Ciao, ciao. Frédéric Sigrist, merci énormément pour cette émission du label 619. Ça fait trop plaisir d'avoir Run qui nous explique tout son parcours. Moi, c'est Matafoukas qui m'a ramené à la BD. Énorme. Merci, merci beaucoup. Et franchement, réinvité, hein. C'est pas fini, hein, j'espère. Merci à chaque coup de nous citer les doublures françaises des voix qu'on a. Et grâce à toi, j'ai découvert, hélas, qui nous a quitté, Patrick Poivret. Merci. Oui, bonjour Blockbuster. Mais comment j'ai pu passer à côté de votre émission pendant toutes ces années? Alors là, du coup, je suis en train de tout rattraper. Je suis devenu complètement accro. Mais aussi, avec tout ce temps, comment ça se fait que vous n'ayez pas encore parlé d'Evil Dead, la trilogie mythique de Sam Raimi? Bon, ben en tout cas, à bientôt pour vos prochaines émissions. Ciao! J'aurais voulu être un cigris pour pouvoir être à la radio. To be or not to be, not to be. Ça devait arriver un jour, mais ça y est, c'est mon fils qui me fait découvrir des mangas. Je le regarde un peu comme Maître Yoda regardait Luke Skywalker, comme Bilbo regardait Frodon, comme François Hollande regardait Emmanuel Macron. Mais je le vis bien, rassurez-vous, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus chouette dans la vie que de pouvoir partager ses passions de la bande dessinée ou des jeux vidéo avec ses gosses. D'ailleurs, j'ignore totalement comment font les parents qui achètent des jeux ou des livres à leur môme sans y jouer ou sans les lire. Mais tu m'étonnes qu'ils aient des surprises ensuite. Dites, monsieur le libraire, c'est vous qui avez conseillé Berserk à ma fille ? Oui, non, c'est très bien, rien à dire là-dessus, mais 7 ans, c'est peut-être un peu jeune, hein. Passer d'Anatole Latuile à Griffith, le roi des démons, c'est un peu violent comme changement de température. Grâce à mon fils, j'ai découvert Spy Family et l'adorable Anya, Darwin's Incident sur les expérimentations animales, Dr. Stone qui ouvre les conversations à des tas de sujets scientifiques, Vinland Saga, un récit historique sur les Vikings islandais. J'entends souvent des parents se plaindre que leurs enfants ne lisent que des mangas et restent dans leur bulle. C'est étonnant, car il n'y a rien qui ne rapproche plus que de les lire avec eux. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Enfoiré de Rainer. Dire qu'on croyait l'avoir enfin terrassé. Quoi qu'on lui fasse, il se relève toujours. Est-ce qu'on a la moindre chance de tuer des monstres pareils ? Hé, hey Armin ! Puisqu'on peut pas gagner, t'aurais pas un plan pour mettre Eren à l'abri ? Il est plus maigre qu'avant. Hein ? Regardez bien le titan colossal. Son corps est devenu plus fin. Écoutez-moi, je crois qu'Anzi avait raison. La meilleure façon de battre ce titan, c'est de l'avoir à l'usure. Souvenez-vous des tests qu'on a fait passer à Eren. Il pouvait se transformer 3 fois d'affilée maximum. Si c'est le cas pour un titan de 15 mètres, un titan de 60 mètres consomme forcément plus d'énergie. Il y a aussi son onde de chaleur. Pour la dégager en continu, il doit consumer la chair qui recouvre sa carcasse, ne laissant plus que les os. Où est-ce que tu veux en venir ? Armin. Je crois que j'ai un plan. Détourner l'attention de Rainer. Pendant ce temps, Eren et moi, on s'occupera de Bertolt. À nous deux, on le vaincra. Je peux vous le garantir. Bon, c'est d'accord. On fera tout pour que Rainer ne vous gêne pas. T'aurais pu le dire plus tôt. Pendant un moment, j'ai bien cru qu'on était fichus. J'espère que mon plan va réussir. Mais si ça marche, je ne verrai jamais la mer. Moi, quand je suis forcé de me battre, je pense au monde extérieur. C'est ça qui me donne du courage. Réveille-toi, Eren! Il est temps qu'on aille voir la mer. Vous ne rêvez pas, ce n'est pas la première fois que nous consacrons un blockbuster à l'attaque des titans. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ce manga à succès moderne, je vous invite de ce pas à écouter notre précédente émission, enregistrée il y a 2 ans, qui présente non seulement l'histoire, mais aussi son auteur, Hajime Isayama. Une fois que c'est fait, que vous avez lu le manga ou regardé les 4 saisons de l'animé, vous pouvez revenir avec nous, ainsi nous ne gâcherons aucune révélation, et Dieu sait qu'il y en a. Si par contre, vous n'en avez cure et que vous tenez absolument à commencer par cette émission, c'est à vos risques et périls. Et pour m'acquitter de cette lourde tâche, j'ai la joie d'avoir avec moi Bruno Delacruz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Animeland, le magazine de référence de l'animation et du manga. C'est bien ça. Avec nous également, et on est ravis de le revoir, Renaud Besbourdier, bonjour. Salut, salut. Vous êtes scénariste et rédacteur en chef de Cinématrack, mais aussi auteur de la pièce de théâtre musicale L'Oublié du cimetière de Greenwood, qui reprend tous les mardis au Théâtre à partir du 14 février. C'est exactement ça. Ensemble, on va tenter de vous faire une rétrospective non exhaustive et surtout subjective de l'attaque des titans, un manga qui aura défrayé la chronique et déchaîné les passions jusqu'au bout. Je tremble. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait si peur? Bon sang. Si je flanche et que je fais capoter l'opération, qu'est-ce qui se passera? Je trahirai les attentes de tous. Je sais pourtant qu'on n'aura pas d'autre chance que celle-là. Je suis sans doute pas à la hauteur. Comment quelqu'un d'aussi faible que moi pourrait bien sauver l'humanité? J'ai pas les épaules, c'est clair. Eren, ça va? Pourquoi est-ce que tu trembles? Tu as peur? Quoi? Mais non, n'importe quoi! Oh, arrête de mentir. Regarde comme tes mains tremblent. C'est seulement que je grelotte! Avec ce froid, j'ai les mains complètement gelées! Ah, bon, c'est pour ça. Parce que moi, j'arrive pas à m'arrêter de trembler de frousse. Regarde. Tu t'es déjà senti absolument terrorisé face aux titans? Normalement, la plupart des gens sont terrifiés. Moi, par exemple, la première fois que j'ai affronté un titan, eh bien, je pouvais plus bouger, j'étais pétrifié. Mais toi, tu es venu me rattraper, et tu m'as tiré de la gueule du titan. Ce que tu as fait ce jour-là, où as-tu trouvé le courage de l'accomplir? Je me suis souvenu. Je me suis rappelé du jour où tu es venu me montrer ce vieux bouquin. Avant ça, je ne m'étais jamais intéressé à ce qu'il y avait à l'extérieur des murs. Je passais toutes mes journées à regarder défiler les nuages. Et puis, ce jour-là, je t'ai écouté parler, les yeux brillants. Tu avais des rêves plein la tête. Et la mienne était vide. C'est à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai réalisé que j'étais prisonnier. Enfermé dans une cage minuscule, privé de liberté par des monstres aberrants. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai eu la haine. Je saurais pas l'expliquer. Mais me battre pour retrouver la liberté... Oui. On peut dire que ça me galvanise. Merci, j'en avais besoin. Ça va mieux maintenant. Tu sais... L'année prochaine, à cette période, on sera sûrement en train de contempler la mer. Contempler la mer et aspirer à la liberté, on a bien entendu reconnu Eren et Armin qui communiquent ensemble, qui sont deux des personnages principaux de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, en version originale. Bruno Delacruz, alors évidemment, c'est la deuxième émission sur le sujet, mais est-ce qu'on peut résumer rapidement l'histoire de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans? Alors oui, en tout cas les grandes lignes, on a une humanité qui vit reclus derrière dans une ville en tout cas qui est entourée de d'immenses murs et cette humanité qui essaye un petit peu de survivre comme ça parce que de temps à autre, elle se retrouve attaquée par d'immenses créatures. Il se trouve que pour se nourrir, pour vivre, c'est un petit peu compliqué, donc on envoie ce qu'on appelle un bataillon d'exploration pour aller au-delà des murs, voir ce qui s'y trouve, potentiellement ramener à manger aussi pour avoir de quoi vivre. Et puis, finalement, les monstres que l'on pense être les titans sont peut-être pas si méchants que ça, parce qu'il y a des retournements de situation, parce que l'humain a peut-être une part de responsabilité dans cette histoire. Donc on va suivre un groupe de jeunes qui se retrouvent embarqués dans cette histoire, qui va grandir au gré des batailles, et puis réussir à sortir... malgré eux de cette ville. Et puis s'enchaînent ensuite des événements plus tragiques les uns que les autres qui les amènent à se découvrir parfois titans et à découvrir qui est le vrai méchant dans cette histoire. Est-ce que c'est les titans? Est-ce que c'est les humains? Etc. etc. D'un point de vue personnel, vous travaillez dans un magazine qui traite justement énormément de mangas et d'animés. Vous avez découvert l'attaque des titans à quel moment? Alors, nous concernant chez Animeland, c'était lors de sa parution, puisque nous suivons les titres qui fonctionnent au Japon, et on a des rédacteurs qui sont au Japon. Et puis très vite, ça a été un titre perturbant. Et je pense que c'est le premier adjectif qui nous est venu à l'esprit, c'était d'avoir un titre perturbant, parce que graphiquement différent, très aride, qui ne rentrait pas vraiment dans les codes graphiques du shonen comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire le shonen version Shonen Jump, mais c'est un titre de chez Kodansha, c'est un titre du Besatsu, qui est un magazine qui avait des titres avec cette tendance un petit peu noire comme ça, avec cette noirceur, donc on s'est dit c'est à suivre. Et puis on découvre les 3, 4, 5 premiers chapitres et on se dit c'est jusqu'au boutiste, c'est nihiliste, mais graphiquement, il y a vraiment un truc intéressant. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, lorsque c'est un peu déviant, si je puis dire, je trouve que c'est intéressant. Oui, parce que ça change aussi de la production et du tout venant. Ça change, on est dans une industrie, il ne faut pas se le cacher, qui est extrêmement codifiée, où il y a des gens qui vous disent, en tout cas des éditeurs qui disent aux auteurs, il faut changer ci, il faut changer ça. Là, on avait le sentiment que cet auteur n'était pas vraiment un talent formaté. On avait ce sentiment-là au début. Et puis, après, il y a juste une qualité aussi de narration. Le chapitre fonctionne bien, ça s'arrête sur une surprise, ça s'enchaîne avec une révélation, avec un suspense. C'est aussi ça, quand vous êtes publié, que ce soit hebdomadairement ou de façon mensuelle, il faut quand même toujours t'attirer à ce que tu aies envie de lire la suite. Donc voilà, c'était vraiment le côté surprenant, perturbant, qui était intéressant. Quand Isayama a lancé le projet, il avait déjà fait des travaux qui précédaient ou c'était vraiment son premier? Alors, en général, comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous présentez une série, quand un nouvel auteur arrive, il y a toujours des galops d'essai. C'est très rarement une première version qui arrive et qui est publiée telle qu'elle. Isayama avait même fait un brouillon, si on peut dire, de l'Attaque des Titans. Il avait même contacté d'autres maisons d'édition. Et je vous conseille de lire ce premier brouillon de l'Attaque des Titans qui contient déjà tous les éléments, c'est-à-dire que ce soit graphiquement ce côté un peu boiteux par moment qu'on peut croire, mais il y avait déjà ça, il y avait déjà les titans, il y avait déjà le gigantisme qui est une thématique très importante de son récit. Donc, mais c'était quand même un talent un petit peu sorti de nulle part, entre guillemets. C'était pas du tout quelqu'un qui avait gagné 25 prix, qui était dans les écoles de certains auteurs ou scénaristes, comme c'était le cas de par exemple, Rumiko Takahashi, l'autrice de Ranma 1/2. On sentait que ça allait être quelqu'un... Elle allait donner quelque chose voilà, de grand. On sentait, elle était avec des formée par des gens aussi, elle était dans un cercle... Là, on a cette impression de talent comme ça qui débarque, qui est très différent et très talentueux. Renaud Besbourdier, vous, je sais que ce qui vous a marqué dans l'Attaque des Titans, c'est l'adaptation en animé, beaucoup plus que le manga. Vous avez découvert ça comment ? J'ai découvert ça par un ami qui ne regarde pas des animés habituellement, qui m'en a parlé. C'est la première chose qui m'a surpris. Donc j'ai découvert ça en 2013, l'année de sa sortie, et ça a été un choc immédiat pour des raisons similaires que Bruno évoquait. Principalement, en fait, parce que la base est extrêmement simple, puisqu'on pose des personnages très attachants, et très vite, on leur impose des situations extrêmement cruelles. On les fait souffrir, très simplement. Avec une situation relation très binaire avec des, on va dire, des victimes et des bourreaux. Et on va vouloir être dans le camp des victimes. C'est une situation extrêmement simple qui nous permet de nous attacher très très vite. Et passer cet attachement, en fait, le manga et l'animé. Parce que le scénariste que vous êtes a dû être sensible justement à cette manière de manipuler le lecteur aussi, oui, pour lui faire adhérer à certains points de vue. En fait, parce que effectivement, donc on adopte le point de vue donc de ces victimes, en fait, d'une certaine manière, sur le début de l'histoire. Et justement, en fait, au fur et à mesure qu'on découvre, si on s'intéresse à comment on écrit des histoires, on se pose la question de, ok, comment a-t-il tout organisé, à quel moment, et comment a-t-il décidé quelles informations on ne doit pas avoir au début, et lesquelles on va parsemer au fur et à mesure. C'est ça, en fait, qui fait un peu le sel de la découverte, et qui va, à mon sens, faire que la binarité des combats, parce que les combats sont globalement toujours binaires, va devenir de plus en plus riche, de plus en plus intéressante au fur et à mesure de l'animé. Oui, jusqu'à un moment où on est presque en train de retenir les chevaux et à se dire non, je ne veux pas qu'il y ait de combat, je ne veux pas. C'est ça qui est assez troublant dans l'attaque des Titans, c'est de voir à quel point en fait ce qui nous plaisait initialement, c'est-à-dire de voir des bataillons d'exploration se battre contre des Titans immenses, au bout d'un moment on se dit non, je ne veux plus voir ça parce que ça me prend aux tripes et je ne sais plus où est le bien, où est le mal. Mais c'est-à-dire qu'en fait il y a trois choses essentielles pour moi. D'une part, il y a le concept extrêmement fort qui ne fait que s'enrichir à partir de règles extrêmement complexes qui se développent au fur et à mesure de l'animé et du manga, qui sont souvent un peu difficiles à suivre quand on va très loin dans le concept. D'autre part, c'est effectivement cette narration, cette action. Et la dernière chose, et pour moi c'est l'essentiel, ce sont les personnages. Les personnages sont extrêmement nombreux, extrêmement intéressants et fascinants. Et forcément, au fur et à mesure qu'on s'y attache, on ne peut pas les voir souffrir. Et oui, donc forcément. Et d'ailleurs, à propos de personnages, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la figure d'Eren, qui est vraiment ce petit garçon volontaire, qui prend fait et cause pour ceux qui sont victimes de brimades. Il a vraiment quelque chose du héros de shonen, du justicier tout petit, et très codifié dès le départ. Et c'est intéressant de le voir évoluer là-dessus. Et parce qu'en même temps, il a en germe tout ce qu'il va devenir ensuite. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que la première fois que je l'ai vu, je m'en suis pas vraiment rendu compte, et c'est en le revoyant que je me suis dit, oui, d'accord, il a tous ces codes du héros, peut-être effectivement positif, qui très vite bascule du fait du décès de sa mère. Et pourtant, en fait, la première fois que je l'ai revu, et sans être assez loin encore dans l'animé, je me disais, mais il a un problème quand même. Il a vraiment un souci, il va trop loin. Il est trop intense. Je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être d'accord avec lui sur ça? Et puis très vite, j'ai compris que c'était effectivement bien voulu et que c'est vraiment brillant. Bruno Delacruz ? Il y a toujours cette question pour les héros de shonen, encore une fois, quand on pense le shonen, un peu version Weekly Shonen Jump, donc il y a quand même des éléments qui sont identiques aux autres, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il combat. C'est-à-dire, il se bat contre des titans, c'est un titan. De la même manière que dans Jujutsu Kaisen, le héros est à moitié démon, il combat des démons, etc. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a la question, est-ce que la mission que je mène, elle est pour un but collectif ou est-ce qu'elle est personnelle? Et ça, c'est un petit peu le grand débat qui anime les shonen actuellement. Un titre comme Chainsaw Man, je fais juste une petite parenthèse, il parvient à nous parler parce que le héros ne veut pas être le meilleur du monde, le meilleur super-héros ou le meilleur ninja. Non, il veut être heureux. Il veut être heureux, manger il veut une petite manger, biscotte de voilà. beurre, avoir une meuf, et voilà. Tandis que là, on est dans de la démesure sur l'attaque des titans. Tu veux sauver l'humanité. Quelque chose qu'on lit à peu près dans chaque manga de base. Tout le monde veut faire le bien. Et ce qui nous pousse à réfléchir ou à être beaucoup moins sûr, c'est quand on se rend compte qu'un type comme Reiner, au final, il a peut-être les mêmes intentions que lui, et à un moment donné, celui qui était le démon devient celui qui veut plus tellement faire de mal, alors que de son côté, Eren, lui, il va pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Et en même temps, la liberté... Reiner est un autre membre du bataillon d'exploration, dont on découvre qu'il a un passif et une origine bien plus lointaine que ces murailles qu'on nous présente au début de la série. On pense que c'est un allié au premier abord. à bord, il y a une révélation, et puis on se dit, mais comment est-ce que ce type peut nous faire ça alors que tu étais avec nous depuis le début? Et puis là, tu nous dis, comme ça, entre le fromage et le dessert, que c'est toi le méchant. Oui, justement, et entre le fromage et le dessert, c'est la bonne expression, parce que vraiment, c'est une des plus grandes révélations de l'histoire des révélations, vraiment. Très fort. Très vraiment fort. En fond de page et en animé, vraiment, avec le dialogue au fond. Ah, au fait, ce que tu savais pas, mais en fait, c'était nous. Voilà, c'était nous. C'est comme si le Joker révélait son identité comme ça, alors que c'est pas une splash page, c'est-à-dire c'est pas une pleine page. Non, c'est comme ça, et toi, et l'animé a respecté ça aussi, ce qui est aussi très très fort. Et du coup, on est là, et donc on a ce revirement, et puis Eren qui commence aussi à grandir, à devenir quelque part un adulte, à comprendre que des guerres propres, ça n'existe pas, même si tu es sur un drone, ça n'existe pas une guerre propre. Donc parfois, il faut se salir les mains, et c'est pas le bien contre le mal, c'est une guerre d'enjeu. Et quels sont pour vous les points forts et les points faibles de ce manga et de cet animé jusqu'à sa conclusion ? Alors pour les animés, je parlerai pour l'animé un petit peu peut-être. Alors évidemment, dire l'animation est magnifique, c'est beau, tout ça, je pense que c'est un constat que tout le monde peut faire. Il y a ce suspense, il faut attendre le prochain épisode, la révélation, ça d'accord. Je crois que c'est surtout une grosse compréhension du matériel d'origine. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le manga, on peut pas tout de suite imaginer comment est-ce que les personnages vont bouger lors des combats, même s'il y a des éléments déjà. Mais c'est de comprendre, et d'ailleurs ça a influencé Isayama, la façon dont les animateurs et le réalisateur a fait bouger les personnages, eh bien, Isayama a changé ensuite sa façon de faire bouger les personnages. Donc ça, c'est une grosse compréhension c'est une claque visuelle, l'Attaque des Titans. Et je pense que ça a eu un impact, comme beaucoup d'animés qui ont impacté fortement l'industrie, parce que ce sont des réussites visuelles. Nous, ça nous a l'air commun. Oui, ils sautent, la tridimension, on bouge comme ça. Mais il faut l'imaginer. Il faut réussir à mettre tout ça en scène. Donc je pense que c'est vraiment la grosse compréhension du... Oui, c'est un mélange, j'explique pour ceux qui ne saisiraient pas, oui. C'est un mélange de déplacement à la Spider-Man entre des immeubles, matinée de côté steampunk avec des machines à vapeur, voilà, et des épées, parce que évidemment, pour se battre contre ces titans, on ne peut utiliser que des armes blanches et sectionnées au niveau de la nuque, là où généralement les titans sont sensibles. Ouais. C'est leur talon d'Achille, c'est dans la nuque. C'est une nuque d'Achille. D'ailleurs, petit renvoi à ce qu'on a pu connaître avec tout le mécanisme du mecha. Et d'Evangelion, notamment. Notamment d'Evangelion. On y viendra, parce qu'il y a énormément de similitudes voulues ou non entre l'Attaque des titans et Evangelion. Les points forts et les points faibles, Renaud. Je vais rester sur l'animé et rester sur le côté grisant effectivement initial en fait de ces scènes d'action où on est embarqué en fait à toute vitesse avec ces personnages et on a envie de les voir réussir. Il y a ça, il y a les personnages dont je parlais tout à l'heure qui sont vraiment vraiment fascinants. Un point faible pour moi qui est pas vraiment un point faible de l'animé en tant que tel, mais plus d'un mode d'expression très courant en fait dans les mangas et les animés japonais, qui est un certain rapport à l'exposition, c'est-à-dire à la manière de délivrer des informations qui est souvent très frontale. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts pour ça, et donc parfois on est un peu assommé face à la quantité d'informations qu'on reçoit. Ça, ce serait un peu le seul, mais vraiment le seul bémol pour moi, puisque tout le reste, c'est vraiment que du bonheur, enfin que de la souffrance. Que de la regarder. Oui. Mais la souffrance joliment mise en scène. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, vous vous confirmez ou vous infirmez mes propos, mais j'ai eu le sentiment que l'Attaque des Titans, dans la mise en scène de ces déplacements tridimensionnels et dans ces affrontements avec ces gigantesques titans, a aussi créé une sorte de renouveau dans l'animation japonaise, où plein d'autres séries ont été impactées de leur manière de représenter les affrontements. Maintenant, on pourrait résumer ça par le Sakuga, c'est comme ça qu'on... Alors très honnêtement, ce sont juste des moments de bravoure. Alors, quand on dit Sakuga, ça veut dire animation, mais le terme, il est apparu lorsque certains moments d'animation sont plus léchés, sont plus impressionnants. C'est pas juste une question de spectaculaire. Ça peut être un Sakuga, je suis en train de fumer une cigarette, mais le geste, il est tellement bien fait. Le geste est tellement fluide. C'est un Sakuga, oui. Par exemple. Non, je pense pas que c'est révolutionné ou impacté l'industrie. C'est une grosse performance. Ça, c'est sûr et certain, parce que il faut comprendre une chose, c'est que Vid Studio, donc le studio qui est en charge de la production, qui est une branche de production IG, c'est-à-dire le studio qui a fait Ghost in the Shell, comme ça vous comprenez qu'on est quand même face à une grosse structure très moderne, c'est la deuxième production à ce moment-là, et ils mettent tous les moyens pour réussir une grosse série. Et c'est comme une carte d'entrée pour eux. Ah oui, c'est parce que lorsque un manga fonctionne très très bien, il n'est pas dit que son adaptation soit de qualité. Parfois, c'est juste, bon, il faut faire un animé, et on voit un peu qui est sur le marché. Et là, on prend le réalisateur de Death Note, donc Tetsuro Araki, Death Note qui est un très très grand animé aussi, très fort en termes de réalisation, et vous retrouvez des éléments de suspense, cette espèce de combat psychologique, parce que l'attaque des titans, ça se passe sur les champs de bataille, mais ça se passe aussi dans ton bureau en train de réfléchir, ou à l'église. Dans des couloirs. Voilà. Donc ils ont pris un réalisateur très performant, qui sait s'entourer de gens talentueux, de grands animateurs. Il y a une pénurie en ce moment, parce qu'on produit de plus en plus. Donc c'est pas tant que ça a fait quelque chose de nouveau, c'est que ça a été une grosse performance. On s'est dit, oh, à chaque épisode, ou presque, il te propose des moments de bravoure. Et d'ailleurs, première saison, 12 épisodes. Deuxième saison, ou l'inverse, je crois, saison 24 2. À la première. Voilà, pardon, 24 et 12 à la seconde, parce que c'est énergivore. De plus en plus, ça demande des talents, ça demande des gens en pleine forme, parce qu'il faut se les farcir. Hein. Et le délai entre la saison 1 et la saison 2 avait justement fait que beaucoup de gens avaient arrêté, en fait, parce que oui. La saison 1 passe en 2013 et la 2 est diffusée en 2017. Le président me disait avoir... le président de Wii Studio me disait avoir des regrets sur cette saison 1, alors qu'elle est quand même déjà très accomplie, parce que structurellement, ça demande une réorganisation totale. Il faut comprendre que dans un studio, tout est segmenté. Les gens qui font l'animation, les gens qui les corrigent, les gens qui font la couleur, etc. etc. Et donc, ils voulaient assurer. On a eu un studio, et c'est la chance, qu'ils voulaient assurer cette adaptation. Honnêtement, que vous ne connaissiez l'animation ou pas, il vous suffit de regarder quelques séries à droite à gauche pour constater que les Titans, c'est presque une hérésie d'avoir eu hebdomadairement des épisodes de cette qualité. Oui. Et question vraiment là de fanboy basique, mais quel est votre personnage favori et pourquoi, Renaud? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aime vraiment beaucoup les personnages de cette série, donc ça change un peu tous les jours. Du coup, pour faire un peu de la provoque, je vais dire Gabi. Gabi, qui est un personnage qui arrive à être assez tard dans la série et qui a fait jaser beaucoup une partie de la communauté des fans qui ont très vite détesté le personnage, sans voir en fait qu'elle était construite en miroir de RN au début, à un point vraiment magnifique. Et je me suis refait donc les épisodes de la saison 4 qui sont déjà sortis ces dernières semaines pour me préparer à l'annonce de la fin. Partie 3, c'est un peu assez complexe. La 4. et vraiment, son évolution, je la trouve extrêmement touchante. Il y a une scène qui me marque toujours énormément, et c'est quasiment entièrement dû à la qualité de l'actrice de doublage qui travaille dessus. Au début de la saison 4, où elle est à une fenêtre et elle crie à l'aide Reiner, et vraiment ce moment me déchire le cœur à chaque fois. Je trouve ça vraiment incroyable ce qu'on a réussi à faire avec un personnage qui arrive en fait très tard dans un manga. Puis qui en plus traite d'un sujet qu'on voit quand même pas si souvent que ça dans des productions destiné à un public plus jeune, c'est une enfant soldat. Et c'est bizarre d'ailleurs qu'on n'ait pas si souvent des enfants soldats dans des œuvres pour enfants. Oui. En réalité, on a eu presque, pas, j'ai pas presque que ça, mais on en a eu énormément. Oui, parce que quelque part, Saint Seiya, c'est des enfants soldats aussi. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle a vraiment le format d'une enfant. C'est-à-dire qu'elle a des stigmates qui rappellent les enfants du monde réel. C'est pas les enfants des animés habituels. Il y a ce décor aussi qui nous ramène. Bah, on a l'impression d'ouvrir un livre d'histoire et de dire ça existait. Après, pour la question du personnage, bon, moi j'ai une tendresse particulière pour Annie, un personnage qui est effacé pendant un moment, mais je reparle souvent du gigantisme dans le manga. C'est un objet de fascination, et que ce soit pour les mangakas, pour le cinéma. King Kong, c'est le père du gigantisme, par exemple. Godzilla, pardon, c'est le père du gigantisme au Japon. Et je trouve que j'aime ce genre de personnage un peu discret, qui crie pas tout le temps, qui dit pas toujours ce qu'il ressent. Et voilà, j'aime beaucoup Annie. Puis au final, il y a cette histoire d'amour qui est un peu touchante. Et puis elle se bat. Puis qui est discrète aussi. Hein. Voilà. Mais Annie qui est supra badass. Hein. Qui est, oui. Et puis en même temps, lorsqu'elle devient géante, le titan féminin. Donc voilà, il y a tout ça. Ça me plaît beaucoup. Comment vous expliquez la réception polémique qui a entouré la fin en manga de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans? Parce que, alors je sais qu'on est en 2023, que les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup d'importance, que le sens de la nuance a dû rester le siècle dernier, mais j'ai vu des réactions extrêmement violentes sur la fin de ce manga. Je me permets de commencer. Désolé, j'ai l'impression de. Non, mais tu as raison, parce que de toute façon, moi, je ne la connais pas encore, cette fin. Oui, parce que Renaud, il ne suit que l'animé. Ah. Il met un point d'honneur. Alors, en réalité, déjà, cette problématique, entre guillemets, bon, elle n'est pas nouvelle. Les mangas, vraiment, très tôt, ont connu, on recevait des lettres au sein des maisons d'édition, des magazines de prépublication, des lettres de plainte, alors parfois des déclarations d'amour aussi, mais il y avait aussi ce truc on a fait un mauvais choix. Dans le manga, on a pris une direction qui ne va pas. Donc, je ne suis pas très surpris par ces déclarations. La deuxième chose, c'est que j'ai un petit peu l'impression, ça c'est une réflexion un peu plus personnelle, qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans un choix d'œuvre, je choisis ce que je regarde, vraiment ce que j'écoute, que, on avait, tu vois, Game of Thrones, il y avait un peu le même souci. Oh non, c'était pas la fin que c'était je voulais. C'était pas la fin que je voulais, c'est-à-dire c'est le syndrome McDonald's, venez comme un vous petit êtes. Peu. Alors, on peut aimer ou pas aimer, ça d'accord, mais c'était pas la fin que je voulais, je suis déçu, je fais une pétition sur change.org en espérant que cette fois-ci... Bon, je me moque un petit peu. Moi, je trouve qu'elle est très bien, mais effectivement, j'ai une réserve pour cette fin. Je suis pas certain que M. Isayama soit allé au bout. Voilà. Il y a quand même un côté jusqu'au boutiste qui apparaît tout le long de son manga, mais pas là vraiment, vraiment jusqu'au bout. Par contre, j'ai adoré le petit chapitre bonus qu'il y a juste après, donc je ne dis rien pour Renaud, oui. Mais c'est un chapitre, selon moi, qui résume bien l'aventure. Donc ça se passe dans un cinéma, je ne dis rien de plus. Et puis, après on se plaint. Bah, qui est une sorte de pied de nez en même temps. Totalement, exactement. Qui a un pied de nez et qui montre que Isayama... Il est conscient aussi. Il est conscient et il connaît son public. Il savait qu'il était attendu et il dit ce qu'il a à dire. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi, attention, c'est un slogan que j'essaye de m'appliquer chaque jour. Les artistes ne sont pas à notre service. Ils ne sont pas là pour nous divertir. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. C'est leur œuvre, avant tout. Voilà. Alors, parfois, elles changent au gré des décisions éditoriales, etc. Mais ils ne sont pas là pour nous divertir. S'il avait envie de finir avec un mec qui se transforme en skateboard et qui s'envole sur Mars, eh ben soit. Il faut respecter. C'est quand même lui qui fait tous les efforts. Enfin, on n'a rien à lui dire. Oui, mais c'est intéressant la comparaison avec Game of Thrones dans le sens où il y a peu d'œuvres il y a peu d'œuvres qui ont eu autant justement d'impact en termes de volume en termes de bruit sur les réseaux et forcément plus l'impact est fort plus la réaction derrière risque de l'être donc même si il y a quelque chose de très négatif dans ces réactions et même sans connaître la fin j'ai vu les gens réagir aussi beaucoup bien sûr que on peut y voir quelque chose de positif dans le sens où ça montre à quel point les gens sont impliqués et sont touchés par ce qui se passe. Alors forcément, c'est pas la bonne réaction à avoir que d'aller envoyer des lettres de menace et des choses comme ça. Mais il y a quand même quelque chose de beau de pouvoir se dire que, ah oui, encore aujourd'hui, on peut avoir comme ça des gens qui vont être autant impliqués dans des histoires qui peut-être peuvent paraître futiles avec des géants et des gens qui se battent avec des épées à cheval. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, dans sa tournée promotionnelle qu'il vient de réaliser, il avait l'air particulièrement touché de la réception, de ces polémiques. Je l'ai vu présenter des excuses. Personnellement, en tant que comédien, pour moi, c'est toujours justement une sorte de crève-cœur de me dire, un artiste qui crée une œuvre, c'est la sienne. C'est lui qui a passé des heures et des heures à se tuer à la santé, à coucher sur le papier des idées qui viennent de sa tête et qui viennent sûrement de ses obsessions, de ses envies, de ses fantasmes, etc. Et de devoir s'excuser pendant 10 ans d'être un artiste... Franchement, je trouve ça gonflé. C'est dur. Mais j'avais presque l'impression qu'il était étonné de voir que, au-delà de ce mur de critique, qui avait peut-être eu l'arbre qui cache la forêt, il y avait énormément de gens qui plébiscitaient son œuvre en tout, en fait. Oui, il y a toujours la surprise lorsque, pour le boulot, on interview des auteurs, que ce soit des scénaristes, des dessinateurs, des animateurs. Il y a toujours la surprise de voir des gens à l'étranger qui connaissent parfois l'œuvre mieux que vous, parce qu'ils vont être capables de tout retenir. Et vous savez, des artistes sont, enfin les mangakas sont souvent un petit peu enfermés, ils ne lisent parfois pas beaucoup d'autres mangas ou ne regardent pas toujours énormément de films, donc parfois c'est un petit peu déconnecté. Ensuite il y a des personnalités, il y en a qui vivent ça très bien, qui en jouent, etc. On a quand même plutôt le sentiment qu'Isayama, lui, il est un peu impressionné et aussi reconnaissant de tout cet amour, parce que on parle là des côtés un peu négatifs qu'il y a eu à la suite de cette fin. Mais bon, 90% du temps, j'ai l'impression que quand même les gens sont admiratifs du travail qui a été fait. Et ces auteurs sont très entourés par les maisons d'édition. C'est très variable. Là, on a vu Isayama venir en France. Il y avait une sorte de service d'ordre éditorial très très important autour de lui. Je me souviens d'une interview. C'était une autrice en particulier. Il y avait 11 personnes. Derrière elle, pour checker, vérifier si ce qui était dit était acceptable ou pas. Et puis parfois, on doit changer des termes aussi. Bon, après, là, c'est une question de journalisme, etc. Et puis à la fois, vous avez des gens qui sont très libres, qui ont parfois un peu plus d'expérience, qui sont au-dessus de la mêlée, qui peuvent dire un peu voilà, ce qu'ils veulent. Et puis, mais ça, c'est extrêmement important. Oui, parce que je me rappelle d'avoir vu Yukito Kishiro en France. Oui. Ah oui, c'est un tempérament un peu spécial. Voilà, il avait un discours beaucoup plus fluide. Ah oui, oui. Là, on sent qu'il y a vraiment énormément de gardiens du temple. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé avec l'essor de l'animation et du manga sur d'autres marchés que celui japonais ? Je vais parler avec mon expérience. J'ai que 35 ans, mais je me réfère aussi à mes grands frères de chez Animeland. Avant, lorsque le manga à l'extérieur et les ventes à l'extérieur n'étaient pas considérées comme très importantes pour les éditeurs, il y avait de la liberté. C'est-à-dire que, bon, on pouvait y aller, c'était un peu une petite curiosité. Et puis maintenant, ça devient un enjeu. Donc attention à ce que vous dites, attention à les visuels que vous utilisez, est-ce que ça vous a fait le droit ? Donc ils regardent de plus en plus, les ayants droit sont soucieux. Je peux prendre un petit exemple comme ça. Je sais, un jour pour My Hero Academia, par exemple, on avait dit que Deku était que All Might était un père de substitution pour Deku. Ils n'ont pas accepté. Il fallait changer le terme père de substitution par mentor. Donc, si on contrôle ça, on contrôle aussi ce qui est dit en interview, on vérifie, on valide. Après, sur qui est accompagné de qui, parfois c'est la femme, parfois c'est toute la famille, ça va, c'est cool. Et parfois, vous avez un petit régiment, si j'ose dire, d'éditeurs. Mais c'est vraiment du cas par cas, Frédéric. Je pourrais pas te oui, dire y a pas si de généralité. C'était pour le cas d'Isayama. Pour Isayama, je connais pas le dossier précisément pour Isayama, mais on est quand même, Kodansha est quand même un éditeur plutôt sympathique globalement. C'est pas les plus stricts ou quoi que ce soit, donc avec eux, je m'y soucie. Et comment on explique cette fin délayée en animé ? Parce que là, ils ont annoncé une dernière partie qui finalement sera une double dernière partie. Donc, est-ce que c'est vraiment parce que les studios sont complètement épuisés et il leur faut du temps pour bien faire les choses ? Ou est-ce que c'est aussi la perspective de se dire l'Attaque des Titans est devenue une franchise mondialement connue ? Est-ce qu'on peut la faire mousser encore un peu plus ? Voilà ma question. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense vraiment qu'il y a un peu des deux, mais il faut pas négliger effectivement la difficulté que c'est d'animer quelque chose d'aussi conséquent. Bruno le disait tout à l'heure que la première saison avait été un peu une anomalie en fait en termes de qualité pour autant d'épisodes. Depuis la saison finale, depuis qu'elle a commencé en 2021, c'est un autre studio qui est en charge qui s'appelle MAPPA. Et non seulement ce studio est en train vraiment d'exploser en ce moment puisqu'ils ont plusieurs des grosses franchises. Donc ils ont Jujutsu Kaisen que vous avez mentionné tout à l'heure, et Chainsaw Man que tu as mentionné aussi tout à l'heure. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient One Punch Man saison 3 aussi. Ils sont très chargés, quoi, en plus de l'Attaque des Titans. Donc tout ça demande beaucoup de travail, effectivement. Et en plus, plus on s'approche de la fin, plus on s'approche du feu d'artifice, globalement. Donc forcément, ça demande beaucoup de moyens aussi. Après, est-ce qu'il y a aussi une envie de prolonger le plaisir? Franchement, il y a peut-être un peu de ça, mais ça m'étonnerait pas que ce soit juste des soucis d'animation. Si je peux ajouter un truc. Alors, il faut comprendre que lorsque vous négociez une vente d'animé, c'est la chaîne télé qui sera le plus important parce que c'est là où tout se passe. Depuis un certain nombre d'années, on constate qu'il y a parfois des baisses sur le taux de fréquentation. Donc, ça, c'est plus indispensable. Ça reste important, mais voilà. Ensuite, il faut comprendre que je crois qu'on aura la réalité sur ce dossier dans 10 ans, potentiellement. Qu'est-ce qui se passe ? Wit Studio s'occupait de l'animé avec talent jusqu'à présent. Là, c'est MAPPA qui s'en occupe. MAPPA qui est un plus jeune studio, mais qui a par exemple récupéré tous les droits de Chainsaw Man pour faire l'adaptation animée. Donc c'est un studio qui ne fait pas les choses pour rien, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont communiqué récemment en disant qu'ils scindaient la saison parce qu'ils avaient besoin de temps. Mais on est dans un milieu de communication aussi. Donc, je crois que la vérité, on ne l'aura que bien plus tard. Un peu comme l'attaque des Titans, au final. Oui. Et juste un truc aussi, effectivement, par rapport au succès qui pourrait expliquer peut-être cela. J'ai vu récemment que quand la saison finale est sortie au fur et à mesure aux États-Unis, elle s'est retrouvée dans le top 3 des séries les plus demandées de l'histoire, avec Game of Thrones et The Walking Dead. Okay. Donc c'est vraiment pas rien, quoi. On parle vraiment d'un animé qui va plus loin que le consommateur habituel d'animation japonaise, quoi. C'est vraiment, oui, l'attaque des Titans touche un autre public que ceux habituellement. Vrai, ouais. Et je l'ai vécu à la maison. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Où d'habitude j'ai une compagne qui peut être très hermétique sur les animés, et l'attaque des Titans, tout de suite, il y a eu quelque chose, mais peut-être lié aussi justement à ces paysages très européens, oui, à ces codes qui nous parlent à nous occidentaux. Le personnage s'appelle Eren Yeager. Notamment, c'est vrai qu'il y a tout un champ lexical, même graphique, hein, si j'ose dire, qui nous rapproche de ça. Ensuite, il y a eu des informations qui nous indiquent en quoi s'est servi de tel village en Allemagne. Oh, pardon. Ensuite, il y a aussi le rapprochement thématique, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc oui, ça nous parle, mais je crois que la souffrance, elle est universelle. Donc je peux tout à fait comprendre qu'on puisse être touché par des récits totalement fantaisistes, avec un cadre qui soit beaucoup plus éloigné de nous, mais ça nous touche quand même. Mais, oui. Mais c'est vrai que ça doit être plus facile d'accès au premier abord que des Magical Girls, quoi, un truc comme ça, genre, qui paraît vraiment pour le coup extrêmement connoté nationalement parlant. Mais pourtant, au Japon, ça a fonctionné aussi, alors que pour eux, ce serait plus éloigné que nous, d'une certaine manière. Oui. Donc, oui. Si on le regarde juste, on se dit, si c'est plus proche de nous, pourquoi est-ce que le Japon est tout autant beau? Mais parce que je pense qu'eux n'ont pas le délit de faciès, justement, qu'il peut y avoir en France sur le graphisme, ou ce côté, c'est peut-être trop différent, peut-être qu'il y a une nouvelle mouvance aussi autour du lectorat. Hein, donc, puis ça s'inscrit compte. Un peu dans la dark fantasy, de toute façon, qui est globalement au Japon, et qui est quand même très ancré, oui, dans la moteur. Culture européenne, quoi. Bien sûr. Et... Question de troll, hein. J'ai décidé de le prendre sur moi, mais est-ce que SNK, Shingeki no Kyojin, a sa place au panthéon des mangas? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un événement, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on va consommer et vite oublier, ou est-ce que ça restera un moment charnière de l'histoire du manga et de l'animation? Ça me semble indéniable que ça restera, ne serait-ce que parce que 10 ans, c'est long, et 10 ans d'une telle implication, c'est pas rien, quoi. Ne serait-ce qu'à voir l'expo qu'il y a en ce moment à Angoulême, quoi, autour de l'auteur, et sa venue, la manière dont je disais avant que les gens plébiscitent la série et veulent la voir. Il me semble que Wakanim avait craché quand la saison 4 était arrivée plusieurs soirs, parce que les épisodes arrivent en simultané avec le Japon le dimanche soir, donc moi-même et mon frère et sa copine, en général on regarde le dimanche soir ensemble à 22h, à 22h et quelques, et c'est vraiment quelque chose, quoi, de réussir à voir ça. Je pense vraiment que ça risque de rester, ne serait-ce que pour l'impact que ça a eu, et également parce que on tombe rarement sur quelque chose d'aussi riche, profond, et qui permet de créer des discussions profondes philosophique, notamment sur tout ce que ça implique, en fait, comme saga. Après, il y a les faits. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amour qu'on peut avoir et des qualités qu'on peut trouver, factuellement, c'est un titre qui a été reconnu par les pères d'Isayama aussi. Donc, il y a vraiment des auteurs. Quand c'est validé comme ça, c'est pas Bruno, Fred ou Renaud. Bon, c'est des types quand même. Et puis, c'est pas de la communication. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui travaillent chez la concurrence, mais qui ont validé ça. Donc, oui, moi, intimement, je pense que c'est un titre d'immense qualité. Ça fait partie des trucs les plus intéressants qu'on a eu ces dernières années. Mais factuellement, le titre a eu la reconnaissance de mangaka confirmé, d'artiste confirmé, et ensuite ça a fait des ventes. Même si moi je reste toujours méfiant sur les ventes, c'est pas parce qu'un titre se vend formidablement bien qu'il est toujours intéressant. Et puis pour l'animé, oui, je crois que dans les années 2010, ça fait partie des productions les plus intéressantes, parce qu'aujourd'hui, techniquement, un animé sur 3 s'en sort bien. Le reste, c'est quand même très boiteux. On va poursuivre ce retour sur l'attaque des Titans, mais pour le moment, on écoute l'opening, le générique de la saison 4, The Rumbling, interprété par le groupe Sim. Blockbuster, Frédéric Sigrist. Est-ce que je t'ai déjà menti une seule fois pendant toutes ces années ? Bon sang, je le connaissais pourtant mieux que ça. Hé, hey, toi, pourquoi tu rends pas les coups ? Ils s'en prennent à toi parce que tu te laisses faire. Tu vas pas rester un perdant toute ta vie. Tu as tort. Je ne suis pas du tout un perdant. Hein ? Parce que je ne m'enfuis jamais. Dis, comment tu t'appelles ? Hein ? Oh. Armin, j'ai toujours su que tu étais un héros. C'est toi le plus courageux de nous tous. Je fais une conférence Les Titans bientôt et elle veut que tu lui envoies un message. D'accord, donc il faut... si on est à l'antenne, donc il faut que j'envoie un message. Il y a une fan de la tech des Titans. Il y a une fan de toi, en fait. Ah plutôt. D'accord, voilà. Ah, oh là là, elle a du temps cette dame. Et dès que j'ai dit que je venais, elle m'a dit « Oh, dis-lui que je l'aime, il est génial !» Oh bah c'est gentil, c'est gentil. Donc Ghislaine, si tu nous écoutes... Voilà, un spécial dédicace à Ghislaine. Alors, on démarre l'attaque des Titans avec Eren, un orphelin rongé par l'envie de vengeance, qui va explorer l'histoire de son peuple et de sa cité via le bataillon d'exploration. Et finalement, c'est vrai que le jury n'a toujours pas apporté son verdict, mais est-ce que Eren est un dictateur en devenir, une victime, ou tout simplement quelqu'un qui est aussi victime d'un mensonge d'État, ou les deux, ou tout ça à la fois. Quel est votre point de vue sur Eren ? Ben, je crois que il n'avait pas de plan, à proprement parler. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui avait tout calculé depuis la première minute. C'est un récit de vengeance. Comme ça démarre dans une tonne de titres, notamment dans l'animation japonaise. Donc c'est une vengeance seulement au gré des actes, eh ben, il voit un petit peu quels sont les secrets, les mensonges qu'on lui a racontés, les bobards qu'on lui a racontés. Et Eren, c'est pas un type qui agit pour lui. Il y a aussi des gens autour de lui, des amis, il comprend que son intérêt de sauver l'humanité, c'est pas seulement de sauver sa poire ou de venger celui qui a tué sa mère. Et Bruno, justement, cette notion de mensonge que Eren découvre très rapidement au fur et à mesure de son évolution, est-ce que c'est pas caractérisé par ses murs ? Parce que c'est pas un hasard si tous ces personnages commencent dans une cité enfermée par trois murailles. Et en fait, plus les personnages découvrent l'immensité du monde et les nuances chez ceux qu'ils imaginaient être des monstres d'adversaires, plus les murailles tombent. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose presque de l'ordre de la psychanalyse dans l'attaque des Titans, où plus les murailles tombent, plus la vérité apparaît, mais découvrir la vérité, ça a un impact sur soi aussi, ça nous change aussi profondément. Renaud ? Oui, complètement. Et avant que tu le mentionnes ici, j'avais jamais fait le lien, mais il y a un lien à faire avec Douglas Adams dans un style complètement différent, où dans un de ses bouquins du guide du voyageur intergalactique, un peuple découvre que les étoiles dans le ciel ne sont pas en fait juste un décor, mais ce sont des vrais endroits. Et leur réponse à ça, c'est « bon, bah, va falloir s'en débarrasser, en fait ». Et là, en fait, il y a un peu de ça qui est, il y a des personnages qui vont découvrir la vérité, qui vont découvrir « nous ne sommes pas seuls sur Terre », qui vont découvrir « il y a tout un monde, les gens ne nous aiment pas, pour plein de raisons, notre peuple a une histoire qu'on ne connaît pas ». Ils vont découvrir tout ça. Et la réaction du personnage principal, en fait, va être « c'était plus simple quand on pensait qu'il n'y avait que nous ». Donc, on va plutôt revenir à ça, qui est une décision globalement fasciste, hein, on ne peut pas vraiment le dire autrement, mais qui en fait un personnage absolument fascinant. Tu disais, Bruno, tout à l'heure qu'il avait ces phrases de héros de « je veux sauver l'humanité », et là, tu as parlé d'histoire de vengeance. C'est vrai que la phrase qu'il répète le plus, c'est « je veux exterminer tous les titans ». Au final, il finira par plutôt protéger les titans et exterminer le reste du monde. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Et puis, on croit que la vérité est ailleurs, loin de ses murs, alors qu'elle est sous nos pieds. Oui. Aussi, donc il y a ce truc-là. Alors, c'est très fort d'une certaine manière, parce qu'on dit, bon, il faut qu'on sorte, qu'on sache un peu qu'est-ce qui se passe autour. Hein, on découvre ça, et puis en fait, tout était un petit peu là, sous nos pieds. Alors après, il y a toujours un petit peu cet outil de manipulation, entre guillemets, génétique, d'expérimentation. Bon, c'est parfois un peu compliqué à suivre, ça se complexifie de plus en plus, il y a des pouvoirs, la façon dont ça se transmet, ça on sent que c'est un petit peu compliqué, mais Eren, au final, de héros à antagoniste, parce que ça devient aussi l'antagoniste, c'est une évolution qui n'est pas, comment dire, elle n'est pas hâtive, c'est quand même quelque chose qui se construit patiemment, tranquillement, et puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Parce que en les revoyant, j'avais vraiment l'impression, et en les relisant, que Isayama, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a jamais caché quoi que ce soit sur Eren, étant donné que déjà c'est le premier que l'on voit devenir un titan monstrueux, et donc j'avais l'impression que dès le début, il a dit attention, ce personnage-là a déjà des velléités, une potentialité à devenir quelque chose de très effrayant pour les autres et pour ses proches également. Et justement, comme la force justement dit Renaud, j'ai l'impression justement que Eren est intéressant parce que c'est un personnage qui ne veut pas changer. C'est-à-dire que il voit que tous ses camarades autour de lui, plus ils découvrent le monde, plus ils changent. Et lui, il a quelque chose de l'ordre de la forteresse inexpugnable. Il dit non. Eh ben puisque pour ne pas changer, il faut que le monde disparaisse. Eh ben je préfère faire disparaître le monde que changer profondément mon point de vue et mon regard sur les choses. Mais je crois que c'est presque plus réaliste d'une certaine manière parce que on a beaucoup de mangas ou même de titres de bande dessinée, etc. Mais surtout de mangas où le type, ça devient, ou la femme, ça devient un personnage extraordinaire, mais mentalement, tout va bien. C'est-à-dire que mentalement, j'arrive à scinder, c'est comme ceux qui scindent l'homme et l'artiste, ça va, c'est-à-dire que j'étais un monstre, mais là, c'est bon, tout va bien. Alors que non, heureusement qu'il y a un impact, que ça a psychologiquement, ça vous perturbe. J'imagine bien, vous devenez un colosse, vous écrasez tout le monde, on vous attaque, vous tuez. Donc, je trouve que c'est plus réaliste, d'une certaine manière, d'avoir quelqu'un comme ça, d'abîmer. Juste une toute petite chose, tu parlais d'Isayama, qui a créé ce monstre de façon, voilà, c'était clair et net. Dans son manga, très souvent, vous avez même une petite image de Bertolt ou Reiner qui vont pour se mordre et donc se transformer, mais avant que l'on sache que ce sont des titans. Et ça, c'est comme ça, dans un petit coin, dans une petite case. Et c'est là aussi la force de l'auteur, qui c'est pas, on t'a pas transformé un personnage en titan ou on n'a pas pris un virage comme ça parce qu'à la réunion éditoriale, on m'a dit de pousser les ventes. Non, c'était déjà écrit. Dès le départ, il savait où il voulait aller. Je pense que peut-être pas 100%, ça mais on veut bien partie. L'entendre. Mais il y a quand même des éléments, factuellement. Quand j'avais pas du tout vu cette case, moi. Mais vous voyez, à un moment, ils sont sur la tour. Oui, ouais, tout à fait. La petite tour. Ouais. Et il va pour se mordre comme ça, alors que nous, on est un petit peu brouillés par l'action. Il y a autre chose qui se passe. Il y a le petit personnage titan féminin, j'ai oublié son nom. De Ymir. Oui, exactement, ouais. Voilà, Ymir. Et puis, d'un coup, on dit, ah oui, là, alors que si on avait vu cette image, on se dit, ben oui, eux, ce sont eux les traîtres. quelque chose qui est gardé dans l'animé, d'ailleurs, ce petit bout. Hein, c'est vraiment très très fort. Et du coup, pour rajouter un truc sur Eren, effectivement, tout ce que vous avez dit est juste, je pense, et on a vraiment le cœur de la thématique du manga, qui est le déterminisme, en fait. Un personnage qui découvre qu'il n'a pas le contrôle sur sa propre vie et sur son propre corps, et qui décide que tous les gens autour de lui sont déterminés par leurs conditions, et que lui est la seule personne qui va pouvoir agir de manière libre. Bon, évidemment, il se trompe, il est tout autant conditionné par son expérience et par ses conditions que les autres, mais son but ultime, c'est d'essayer d'atteindre cette liberté. Mais il est avec beaucoup d'échecs. C'est avec beaucoup d'échecs, bien sûr. Énormément d'échecs aussi. Et oui. Dès le début, effectivement, on le voit. Alors après, bon, c'est corrigé, mais de la première entraînement où il n'arrive pas à monter sur l'appareil tridimensionnel, et donc il paraît plus nul que les autres. Il est sans cesse protégé par Mikasa. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette idée que les Titans sont une sorte aussi de course technologique à l'armement, parce que avant de devenir un Titan, il y a évidemment ce déplacement tridimensionnel, et les personnages qui sont véritablement optimistes à ce moment-là, c'est Mikasa, c'est Rivai, qui sont des armes de pointe pour le bataillon d'exploration. Ils arrivent à défoncer des titans beaucoup plus grands qu'eux. Et c'est des moments où on sent que l'histoire passe beaucoup plus de temps sur eux, mais qu'au fur et à mesure que les titans gagnent en force, ils deviennent beaucoup plus distants, mais c'est même écrit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au bout d'un moment, ils ont une obsolescence qui est subie. Rivai termine, termine comme une arme usée, et qui est obligée qui voit en fait des remplaçants, des titans immenses. Mais encore une fois, c'est réaliste. Ça nous paraît plutôt logique. Lorsque vous farcissez autant de titans, tu as 15, 20, 25 ans pour certains, bon, ben c'est normal qu'au bout d'un moment tu craques et que tu sois en lambeaux. Donc ça aussi, c'est pour ça que je crois que le manga il est attachant, parce qu'on devine que si jamais nous on mène ce type de bataille, ben c'est normal qu'on ne puisse pas en sortir indemne. Alors parfois il nous manque une jambe, parfois les deux, parfois les deux bras, mais bon, il y a quand même des séquelles. Et puis Armin, petit barbecue sympatoche aussi. Oui, donc, oui, bon, oui. Et sans ce côté, désolé Renaud, sans ce côté, hop, il n'y a pas les boules de cristal là en fait. Donc voilà. Effectivement, et pour Levi, moi ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'avant d'être brisé physiquement, en fait, il a, je pense, un des pires moments émotionnels de la saga, puisqu'il est, justement, il utilise son talent, à savoir tuer des titans, contre des titans qu'il n'a pas du tout envie de tuer, pour chasser son némésis, son ennemi ultime, quoi. Donc vraiment, c'est dur de les voir finir comme ça, lui et Mikasa. Et même si Mikasa, à l'inverse, à ce moment-là, elle gagne en importance plutôt... Dans sa personnalité, où elle essaie elle tente de s'émanciper de quelque chose à ce moment-là. Mais justement, le mot émancipation est lâché, et parce que c'est ce qui m'a frappé dans la relation qui lie Eren à Mikasa, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne va souvent que dans un sens, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse, ou elle s'est peut-être racontée qu'elle était amoureuse d'Eren, elle semble vraiment attachée à lui depuis toute petite, elle le protège, elle le suit, c'est presque l'arme qu'Eren peut pointer sur telle ou telle personne au fur et à mesure de son évolution, mais l'histoire de l'attaque des titans, c'est aussi son émancipation de ce rapport, de cette relation un peu toxique qu'elle a avec lui. Et c'est pour ça, là, on arrive à la fin du manga. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la libération pour ce personnage féminin. Et une libération qui s'y fait dans la douleur. Moi, je suis pas forcément de cet avis. Voilà, c'est intéressant. Je vous écoute. Je vois pas ça comme une libération. Je au contraire, je crois que c'est quelqu'un qui l'a accompagné jusqu'au bout. Et il y a quand même cette scène extrêmement forte à la fin du manga. C'est pas anodin de porter un coup final dans ce sens-là. C'est-à-dire que le coup final, c'est toujours le héros, entre guillemets, contre le grand méchant, surtout dans ses titres adolescents. Là, c'est quand même quelque chose qui nous bouscule. On n'imaginait pas. En plus, c'est très bien amené dans le manga. Je vois pas ça comme une libération, parce que ça n'a pas été une personne qui était... Tu pars en guerre, en fait. Tu pars en guerre. Tu sais, depuis tout petit que tu pars en guerre. Tu protèges Eren parce que, bon, il a des moments de faiblesse, mais tu sais aussi que c'est un potentiel très très fort. Eh ben, si tu pars en guerre, malheureusement, tu dois aussi t'attendre à avoir tout genre de ce type d'action-là, tu vois. Donc, je vois pas quelque chose comme une libération de... Moi, c'est le rapport à l'écharpe. Pour moi, oui, je trouve que le rapport à l'écharpe, c'était vraiment les menottes, la menotte invisible qui existait entre Eren et Mikasa. Et le moment où elle accepte de laisser cette écharpe, c'est le moment où elle décide... Pour moi, c'est une lecture qui m'est personnelle. Hein. C'est un acte, c'est l'acte le plus juste qu'elle peut faire par la suite, parce que à ce moment-là, donc t'as pas vu toute la fin. Je n'ai que l'animé. Voilà. Mais par rapport à l'écharpe, et par rapport à ce que vous dites, ce que j'arrive à déduire, pour moi, en fait, il y a une tentative d'émancipation, de libération, mais qui équivaut à celle de tous les personnages. Oui, qui voilà. C'est toujours une limite, en fait. C'est pas spécifique au fait d'être une femme avec une relation toxique, je pense. C'est le cas des d'autres personnages dedans, mais c'est peut-être plus marquant pour Mikasa que d'autres personnages parce qu'elle est si proche d'Eren. Le coup de l'écharpe, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, dans l'animé, en tout cas, dans le même épisode, on voit le basculement de Gabi qui comprend enfin que voilà, elle se trompe depuis tout ce temps et elle arrache le brassard de Falco, son ami à ce moment-là. Et donc le symbole en fait est lié directement sur le vêtement qui nous lie à quelque chose, une tentative d'émancipation, mais qui effectivement te sera toujours limitée par le fait que dans ce monde-là, la fin. C'est nul. Ce sera vraiment le désespoir. Donc, s'il y a émancipation, elle ne sera toujours et jamais que partielle. Et il y a évidemment, dans l'attaque des titans, l'évocation donc, de ce peuple eldien qui vit sur cette île paradis, et l'empire de Mar, qui est, lui, sur un autre continent. Et on voit que le peuple eldien est finalement démilitarisé, les titans, voilà, il y a ces murailles où ils sont protégés du reste du monde. Est-ce que c'est une évocation du Japon aussi après la Seconde Guerre mondiale? Parce que d'ailleurs, on voit la famille Ackerman, la famille de Mikasa, qui elle aussi est spécialisée dans l'armement. Il y a eu des moments, surtout dans ces dernières parties, où j'avais vraiment l'impression que Isayama parlait particulièrement de la situation militaire du Japon post-Seconde Guerre mondiale. Bah, c'est vrai que nous, dans notre lecture, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu ce sentiment-là, surtout si c'est des questions qui vous intéressent. Je ne me mouillerai pas trop, entre guillemets, parce que je ne suis pas certain, et c'est vrai que c'est peut-être un réflexe un peu journalistique de me dire, bon, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Mais c'est vrai qu'il y a ce parallèle-là. Je rappellerai comme ça, petite parenthèse, qu'il y a quand même eu du goodies, du merchandising, sur juste les brassards, oui, par exemple. Oui. Donc, effectivement, il y a toute la question du massacre juif aussi qui s'y mêle. Ça, je pense qu'on a un peu plus d'éléments. Après, pour ce regard du Japon après-guerre mondiale, j'ai eu ce sentiment, mais je ne peux pas l'affirmer totalement, je ne sais pas. Mais oui, il y a des relents quand même, clairement des relents. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'on est, on n'est pas justement dans quelque chose où, à mon sens, vraiment, on n'est pas dans quelque chose qui veut faire un commentaire sur notre monde à nous, d'un point de vue spécifiquement géopolitique, que ce soit le Japon ou l'Europe, la situation des Juifs, etc., etc. Mais on est vraiment dans des questions d'emprunt pour réussir à construire un monde qui a son histoire propre, qui ressemble assez au nôtre, mais qui reste assez différent pour qu'on y croie. Je pense que la lecture purement métaphorique de l'attaque des titans est une erreur, en fait. Parce qu'il y a trop de choses qui sont trop différentes de notre monde pour se permettre, en fait, une vraie comparaison trop, on va dire, unilatérale. Littérale. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que, en fait, si on considère donc, que les Eldiens seraient donc, une métaphore pour parler du peuple juif, dans ce cas-là, on supposerait que, dans la vraie vie, le peuple juif serait des gens dangereux qui sont sûrement titans, etc. Oui. Ce qui, a priori, n'est pas le cas. Donc, là-dessus, moi, je pense qu'il y a des limites à placer. Et si le but est de commenter l'œuvre, à mon avis, c'est plus pour manipuler des concepts philosophiques ancré dans un univers réaliste et donc qui emprunte des éléments à notre réel, plutôt que de commenter notre propre réel. Très bien. Mais c'est bien que c'est bien de le positionner parce que souvent il y a un amalgame qui est fait très vite, tout de suite. On a dit ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours moi tant qu'Isayama me dit pas bah oui voilà effectivement. Bon bah soyons. Mais justement c'est vrai que lui l'auteur est très nuancé dans ce qu'il a présenté. Il a marié différentes influences tout au long de la narration de son récit. Mais c'est très compliqué de savoir ce que lui pense réellement de ces personnages. Et c'est assez rare, parce qu'en général, on parlait de Game of Thrones, on sait très bien que George R. R. Martin adore Tyrion, adore Arya. Dans le cas d'Isayama, je ne sais pas quel est le personnage pour lequel il a véritablement une affection ou... Bon, vous avez des petits éléments. Pika, l'éditeur du manga, a mis en vente. Vous avez certains volumes bonus où il répond à des questions comme ça. Donc, il te dit à certains personnages. Après, c'est pas forcément d'être le préféré ou pas. C'est il aime bien dessiner ce style de personnage ou pas. Ensuite, c'est une com qui est maîtrisée malgré tout. C'est quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas tous les mangaka qui le sont. Parfois, à l'époque, il disait, ben là, je suis bientôt à la fin, il reste tant de chapitres, etc. Mais ça reste une com maîtrisée. Les Japonais sont quand même les rois de la com, ce qui concerne leurs grosses licences. Donc, parfois, ne pas trop en dire, ben, c'est pas mal. Mais voilà, si vous voulez des petites anecdotes croustillantes, il y a ces petits volumes chez Pika qui nous permettent toujours de patienter un petit peu. C'est trop salé! J'arrive pas à le croire, c'est vraiment de l'eau salée tout ça. C'est quoi ce truc? Quoi que ce soit, n'y touche pas, Andy. On ne sait jamais, c'est peut-être venimeux. T'as vu ça? Je te l'avais dit, Irène. Une immense étendue d'eau, comme le décrivait mon livre. Une eau contenant plus de sel que ce qu'un marchand pourrait vendre durant toute sa vie. J'avais raison, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de rêver, elle est bien là. Ouais. Ça semble si immense, ça donne le tournis. Hé, hey, regarde ça, Eren. Au-delà des murs, il y a... Il y a une mer. Et au-delà de cette mer... Il y a la liberté. C'est ce que j'ai toujours cru jusqu'à maintenant. Mais en fait, je me trompais. Au-delà de cette mer, il y a notre ennemi. Tout est exactement comme ce que j'ai vu dans les souvenirs de mon père dans les moindres détails. À votre avis, si on tue tous nos ennemis, ceux au-delà de cette mer, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté? Dans l'attaque des titans, on se rend compte que le peuple eldien qui vit sur cette île de paradis derrière cette muraille a vu son passé effacé quand il n'est pas réécrit en permanence. Et on le disait, plus la vérité apparaît, plus les murailles s'écroulent. Et est-ce qu'au fond, le vrai pouvoir présenté par Isayama dans l'attaque des titans, c'est pas tout simplement le pouvoir de manipuler l'histoire et même, dans une certaine mesure, l'actualité. Est-ce que c'est pas ça le vrai pouvoir plus que de se transformer en titan? Si, si, bien sûr. En fait, la liberté, c'est la connaissance, effectivement. Et à partir du moment où les gens ne connaissent pas leur propre histoire, ils ne sont pas maîtres de ce qu'ils souhaitent accomplir. Donc là, on a le vrai problème qui est au cœur de tout ça. Et voir les personnages que l'on aime reproduire certaines de ces erreurs au fur et à mesure du manga, de l'animé, est déchirant. Parce que justement, eux aussi vont se poser la question de « Ah, on apprend des choses, comment est-ce qu'on le dit aux gens ?» Et est-ce qu'on le dit aux gens, etc., etc. C'est fascinant. La connaissance, tout le monde a besoin de ça. C'est essentiel. Il n'y a rien, peut-être rien de plus essentiel que la connaissance. C'est vrai qu'il y a une circulation de l'information qui est clé dans l'attaque des Titans. Alors on peut dire tout simplement que c'est le vainqueur qui réécrit, qui écrit ou qui réécrit l'histoire, parce que le perdant, ben, il est dans les ruines, il n'a rien à becter et il a même pas de froc. Donc effectivement, ensuite, cette circulation de l'information, elle est importante parce que c'est, bon, comment est-ce qu'on attaque d'abord? Comment est-ce qu'on tue les Titans? Comment est-ce que nous, on se transforme? Comment est-ce qu'on parvient à passer d'un Titan à l'autre? Ok, ça, on a résolu. Ensuite, une fois qu'on va ailleurs, comment est-ce qu'eux, ils ont réussi à nous mettre dans un coin? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça? Donc ensuite, il y a des mémoires qui se transfèrent. Donc oui, effectivement, puis c'est à ce moment-là où on se dit, est-ce que le combat il est légitime? Est-ce que j'ai raison d'aller me faire exploser? Est-ce que j'ai raison de massacrer telle et telle personne? Et ce qui est fort dans l'attaque des Titans, c'est qu'il y a à boire et à manger dans les deux camps. C'est vrai que c'est difficile de se dire, bon, ben là, la portée de tes actes, on peut la comprendre parce que tu as souffert, mais celui que tu vas faire souffrir, à son tour, plus tard, va aussi. Donc voilà. C'est oui, parce qu'il y a cette idée aussi de propagande qui existe en permanence et qui transpire durant tout le récit. C'est-à-dire que ce soit l'Empire de Mar ou les Eldiens, il y a une propagande qui est faite sur ceux qui ne sont pas là, en fait. Le monstre, c'est toujours l'autre. Le monstre, c'est toujours l'adversaire. Parce que si, parce que ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pour ça que les lectures, elles sont très denses dans l'Attaque des Titans. Quand vous lisez le manga, il y a beaucoup à lire parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a les religieux, il y a la politique, il y a le peuple, il y a les soldats. Tout le monde parle, tout le monde a un avis. Donc c'est très très dense pour ça. Et tant mieux, parce que ça permet d'avoir... C'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, Renaud, que les combats, au-delà du côté spectaculaire, il y a des enjeux. Et bien là, les enjeux, c'est pas seulement le combat, c'est juste une discussion, parfois, d'essayer de réhabiliter l'autre, de lui faire comprendre. Non, c'est fort pour ça. Mais c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est d'avoir commencé avec un concept aussi frontal de il y a des humains du MMA qui se battent contre des titans qui veulent survivre en fait, et effectivement d'arriver à un point où quatre saisons plus tard on a trois personnages assis autour d'une table et on est comme ça devant la télé, on fait mais qu'est-ce qu'il va dire, c'est qu'est-ce plus qu'il intense va dire qu'un coup de poing, c'est plus intense qu'une prise, c'est ça, effectivement c'est super fort. Ça, c'est incroyable. Et en plus, alors là, ça n'était pas anticipé par Isayama, mais tout ce qui... Les dernières saisons sont apparues en plein confinement. Donc, on a aussi vécu cette notion d'enfermement avec un réel qui nous est transmis que via l'information aussi, les médias, etc. et qui trouve forcément un écho dans ce qui est raconté dans l'attaque des Titans. Mais même... Mais moi, j'attendais que Macron se morde la main. Oui, non, mais, bon, quand il y avait l'annonce et tout. Oui, mais il y a un Titan qui lui ressemble un petit peu. Mais il y a une candidate. Il y a une candidate, enfin, une ex-candidate, oui. Oui, c'est vrai. Et y a aussi quelque chose qui m'a frappé en les relisant pour préparer cette émission, c'est que les grandes luttes communautaires dont on parle tout le temps, tous les jours dans l'actualité, sur les grandes tragédies du passé. Là, on a vu Emmanuel Macron, il y a très peu de temps, qui parlait justement de l'Algérie, en disant « mais oui, ce n'est pas à nous de dire pardon, etc. On l'a déjà fait, pourquoi on le fera encore, etc. » L'attaque des Titans parle aussi de ça, c'est-à-dire à quel moment, en tant que communauté, on dit « Ok, là, les comptes sont soldés, on repart à zéro, je ne suis pas mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, ou voilà, je suis quelqu'un de nouveau qui ne doit pas prendre sur soi les conflits et les combats d'avant. » Et justement, ce que je préfère, c'est pour ces éléments-là que tu décris, c'est pas les moments où c'est discuté avec les personnages qui ont des rôles politiques à jouer, mais plus avec les personnages secondaires qui sont des citoyens en fait. Oui, parce que les autres ils agissent pour, donc ils font. Ouais, bien sûr. Et donc quand Gabi va rencontrer globalement la famille, les proches de quelqu'un qu'elle a tué, etc. et tout, là on a des tensions qui sont magnifiques en fait, qui vont mener à des choses vraiment magnifiques sur ça en fait, effectivement, sur le pardon, sur l'acceptation, sur la compréhension de tout ce qu'on a appris de faux sur nous et sur les d'ailleurs, autres. D'ailleurs, c'est cette famille là qui est peut-être pour le coup les vrais super-héros de l'attaque des Titans. C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont une force d'amour et d'empathie pour dire non. Ça m'a rappelé le titre du livre d'un des rescapés de du Bataclan, il dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et en fait, c'est ça dont ça parle. C'est une famille qui refuse de perdre cette énergie à haïr... qui arrive même à avoir de l'humour, j'ai l'impression. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est voulu dans le manga tel quel, mais au cimetière, que donc le cuisinier Nicolo, je crois qu'il s'appelle, lui propose, lui dit « Vous venez manger quand vous voulez », et qui répond « Évidemment, on ne payera pas le repas ». Et vraiment qu'il fasse ça à ce moment-là, je dis « C'est tellement vrai, c'est tellement juste, c'est tellement humain comme idée, c'est trop beau ». Bruno ? Non, mais c'est vrai, ça fait partie des... On a eu beaucoup de titres, hein, comme ça, de vengeance ou le méchant aussi. Voilà, on a un repenti. Là, on ne sait même pas tellement d'être méchant ou pas, même s'il y a des actes qui sont très violents. C'est que tu comprends bien que toi aussi, à un moment donné, tu as été un sujet, un pion qu'on a baladé comme ça et tu te retrouves face à tes actes. C'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour l'écriture de Reiner. Parce que dans la dernière partie, c'est un autre personnage total. Au début, tu te dis, bon, c'est pas possible, ce type, tu sens qu'il est un peu dérangé. Et puis d'un coup, quand tu as toutes les informations sur qui fait quoi, comment tu as été manipulé à ton tour, ce qu'on t'a raconté, ce que tu as fait, je trouve que c'est un personnage qui est super épais. Donc voilà, c'est pas balayé comme beaucoup d'autres éléments qu'on peut voir dans des mangas. Oui, mon passé, il est un peu trouble. J'ai bien saisi. Allez, on y va, on va au prochain camp. Oui. Non, tu vois, il y a des séquelles. Je sais qu'ils font ça pour retrouver les autres, mais ça me rend malade. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on est tous des criminels. Après ça, on ne pourra plus revenir en arrière. On n'élimine plus nos ennemis parce qu'ils essaient de nous dévorer, mais parce qu'ils ont des idées différentes des nôtres. Le seul tort de cet homme est d'appartenir à un autre régiment. Et ça nous suffit pour le... Armin. On n'est pas des gens bien. Il faudra se faire à cette idée. Armin rêvait initialement d'aller au-delà des murs, de découvrir la mer, de voir à quoi ça ressemblait. Et on l'a dit, la vérité a changé tous ces personnages et les a profondément changés. Et est-ce que cette vérité a un coût prohibitif pour Isayama? Est-ce que le postulat de l'auteur est de dire « Ok, si vous voulez avoir la globalité de la tapisserie, ça ne se fera pas sans séquelles pour vous. » Non, comme tu veux, Ron. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au début, c'est quoi? Ce sont des gamins qui veulent vivre. C'est pour ça que moi, je partais de l'idée que Eren, il n'a pas un plan qui est sur le très long terme, c'est du court terme. Mais à la base, ce sont juste des gamins qui veulent vivre, voilà, manger tranquillement, etc. Sauf que effectivement, quand tu mets un pied dans l'engrenage, tu te rends compte que ça te dépasse, toi, ta condition, et que ça touche d'autres personnes. Donc l'objectif, tout d'un coup, il est collectif. Après, je crois que c'est juste aussi un talent d'écriture, de faire en sorte que, j'ai quand même 10, 15, 20 ou 30 personnages. S'il y a des enjeux à un moment donné qui en concernent deux ou trois, il faut qu'il y ait un véritable enjeu qui aille au-delà de la simple mission individuelle du personnage. Et ça revient, en fait, au départ, on les fait souffrir de manière très littérale. Et ensuite, on va les faire souffrir d'une manière plus sourde, plus lente, plus insinueuse. C'est vraiment ça, quoi. L'exemple qu'on a balancé là, c'est ça. C'est au début, on voulait attaquer les titans parce qu'ils nous mangent. Et maintenant, si on se bat contre eux, c'est parce que les idées, c'est un combat d'idées, tout d'un coup. C'est pas juste une quête à la survie. Au début, c'est une quête à la survie. Et puis ensuite, c'est une quête plus dense que ça. Donc, oui. Et c'est vrai que la manière dont... Ces titans aussi interagissent, parce que il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le fait que les titans mangent. Les titans mangent les... Très japonais. Mangent les humains, et même les titans plus primordiaux, eux, ont besoin d'ingérer une autre personne pour acquérir ses pouvoirs. Il y a cette idée très très forte aussi de l'anthropophagie qui fait qu'on n'en est même pas à vouloir supprimer l'adversaire, il faut le consommer pour le faire totalement disparaître. Et en même temps, l'ajouter à soi. Et l'ajouter que c'est à justement soi. Parce que c'est par ce travail d'anthropophagie que tu décris que naissent certains titans et que qu'il y a également un des personnages qui hérite en fait de en partie hein, c'est mentionné de la personnalité de ceux qui sont venus avant eux ou bien de leurs souvenirs etc. Donc oui non c'est effectivement ça se nourrit en permanence. Et alors que c'est un mécanisme ça je t'élimine et j'obtiens ce que tu avais. Vous prenez Megaman, plein de jeux vidéo, ou même plein d'autres mangas, tout simplement. Sauf que là... C'est une mécanique du jeu vidéo, effectivement, de récupérer l'épée et les pouvoirs du boss qu'on vient de battre. Sauf que là, Isayama, je disais tout à l'heure que c'est un manga aride et dérangeant, c'est parce que ça passe par cet acte qui est quand même assez moche, c'est vilain de manger quelqu'un. Et ça fait aussi partie, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est aussi une partie d'un fétiche. C'est aussi un véritable fétiche. Donc, le manga d'Isayama est aussi jonché. Alors, c'est pas de l'héroguro. Donc, l'héroguro, c'est la réunion de érotisme et gore. Donc, on est à la fois attiré par, enfin, on est fasciné par ce qui nous attire et ce qui nous répulse. Mais il y a aussi ça. On lit quand même un manga, donc, où les humains se font manger, se font déchirer. Et on trouve ça d'une certaine manière fascinant. C'est repoussant. Et c'est à la fois fascinant. Oui, mais quand Kirby dans Super Smash Bros. Mange Kirby. Link, c'est beaucoup moins dégoûtant. Ah, c'est juste parce qu'il est beaucoup plus mignon. Mais voilà. Oui, c'est ça. Mais justement, est-ce qu'il y a un titan qui ressemble à Kirby Oui, mais on a fait un blockbuster sur Kirby. Et en fait, où on expliquait bien que derrière sa façade, il y avait très quelque mignonne, chose avait qui allait manger l'univers. D'ailleurs, vous avez le spin-off de L'Attaque des Titans, donc Before the Wall, qui est dessiné par un autre auteur. Et c'est pas la même expérience. Parce que les titans sont un peu plus beaux. Beaux dans le sens pas aussi bizarroïdes, ils se déplacent pas trop comme ça. Et je trouve que ça fonctionne pas de la même manière. On est sur un titre qui est clinquant et plus classieux, même par. Sauf que là, le trait d'Isayama, il nous met mal à l'aise. On se dit, c'est moche, ils sont moches, en fait. C'est vrai qu'il y a un élément, en fait, qui relève un peu de la vallée de l'étrange. Donc, quand on a par exemple des robots qui ressemblent un peu trop à des humains, mais qui sont pas exactement comme des humains, on a une gêne vraiment viscérale face à des choses comme ça. Et je ressens la même chose face aux titans. Dès les débuts du manga, des premiers épisodes, ils sont terrifiants. C'est un schéma que j'ai retrouvé dans un film d'horreur qui a eu un petit succès ces derniers mois, qui s'appelle Smile, où on voyait justement tous ces personnages avoir un sourire figé. Et c'était quelque chose de dérangeant. Et immédiatement, ça m'a rappelé ces forêts de titans qui déambulent comme ça en souriant. Comme si c'était des salarymen complètement bourrés à la sortie du travail, parce que j'avais vu une interview de lui où il disait que c'était justement un jour en voyant un travailleur sortir de chez lui. Oui, complètement... il était dans un cybercafé on a vu ça, mais pareil, encore une fois, dans l'animé, tout à l'heure je parlais de cette manière qu'on a de comprendre le matos, tu devines un peu qu'il bouge de façon bizarre, mais c'est bien retranscrit dans l'animé. Et d'ailleurs, il y a eu un animateur très spécifique qui a été reconnu parce qu'il avait réussi à vraiment les faire marcher de façon comme ça, désarticulée, on dirait un peu des bébés à moitié bourrés, quoi. Je pense qu'on a passé le cap de l'horreur pure, c'est-à-dire le monstre qui se déplace de façon parfaitement calculée, qui sait exactement comment se comporter, avec un truc plus, qu'on n'arrive pas à prévoir, imprévisible. Le titan, ce côté imprévisible. Et du coup, ça fait ressortir le titan bestial, qui est plus raisonné, qui est très intelligent. Qui joue super bien au baseball. Toujours une référence au baseball. Et donc, c'est la terreur, en fait. C'est au-delà de l'horreur, en fait, la terreur, c'est-à-dire la peur qui est mêlée à « je ne comprends pas et je voudrais aussi un peu comprendre et, ce que je ne comprends pas me fait encore plus peur ». Et du coup, je crois que le titan bestial rajoute une couche, c'est « je suis conscient de tout ça, je suis conscient que tu nous trouves chelou, je suis conscient qu'il y a des gars parmi mon équipe qui sont bizarres, mais moi j'ai l'air d'être supérieur ». Franchement, il est fascinant. Son apparition, c'est le moment qui m'a le plus terrifié, je pense, de toute la série. Tout ce qui est le bataillon d'Edwin qui se fait décimer, toute cette partie avec le titan bestial qui mitraille au caillou, à la mitraillette, mais tous ces gens qui vont mourir. Et en plus, Edwin sait qu'ils vont mourir envoie à la mort parce qu'il dit que c'est la seule chance qu'on ait. Et donc, il y a vraiment quelque chose de totalement absurde qui te prend... Mais en même temps, réaliste. Mais réaliste. C'est-à-dire qu'on a mené des guerres, nous, le jour de gloire, c'est là-bas. Bah, oui. Allez-y. Et oui. Voilà. Et, donc, et il en parle avant, justement. Il dit, il parle sur le côté avec Eva. Il fait, bon, là, il faut que je fasse un discours, en fait. Il faut qu'on y aille. Oui. Ouais, vraiment, t'es là. Ah oui, oui. Je vends la mort à ces gars, et t'es là. Et alors que, pourtant, on va dire, dans l'humanité, on a mené des guerres avec des gens qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'ils voulaient ou quoi, tu vois. On n'était pas spécialement. Eh ben voilà. Là, ah non, mais c'est l'anti-Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire c'est l'anti-discours. Oui. C'est comme si on avait vu Aragorn parler à quelqu'un d'autre ensuite en disant alors là, je les ai tous envoyés vers le Mordor, mais ils vont tous mourir. Et une bataille perdue, mais d'avance. Mais d'avance. On va prendre cher. Et donc, ça rend son discours, mais tellement prenant. Moi, ça a vraiment été un des moments où je me suis dit, oh, c'est énorme. Et en plus, ça m'a fait comprendre le personnage que je n'aime pas, hein, mais de Flock. Le pire. Le pire personnage. Parce que je me suis dit, mais oui, en même temps, lui, il a vécu ça. Il a vécu ce moment. Oui, c'est le plus. Il est le plus brainwashed, j'ai plus le mot en français. Complètement décérébré. Par la propagande, effectivement, c'est ça. C'est lui qui est le plus intensément là-dedans, et en plus increvable. Donc, bon, l'instant qui m'a fait le plus peur, vu qu'on est un peu dans ce côté-là, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le générique de l'épisode où il y a la seringue, quand les seringues apparaissent, qui se demandent à qui est-ce qu'on va la filer, ben dans le générique de fin de l'épisode d'avant, il y a le générique qui bug volontairement, absolument. Et on te montre, je dis putain, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je trouvais que c'était le choix cornélien, à qui est-ce qu'on la donne, voilà, donc j'adore ce moment. Et alors, un autre point sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est que la dimension véritablement lutte des classes dans l'attaque des Titans, parce que on part de cette île où il y a trois murailles avec les plus pauvres qui sont le plus éloignés, et au centre évidemment le reliquat du pouvoir, famille royale, etc. Et le fait qu'Eren, ce personnage qui était donc le plus éloigné du centre, se retrouve par un concours de circonstances capable de récupérer les pouvoirs qui sont logiquement les attributs des familles royales. Alors vous allez me dire oui, encore ça c'est France Inter, ils politisent tout, mais j'ai quand même l'impression que Eren est quand même une sorte de révolution ouvrière à lui tout seul au sein de cet univers assez clairement. En tout cas, c'était quelqu'un qui n'était pas programmé pour, même si le père, il avait des idées, etc. Il fait partie de ces héros. Alors, pour le coup, comme beaucoup de shonen aussi, voilà, on parlait de My Hero Academia, c'est quelqu'un qui fait un acte super-héroïque sans en avoir la licence, par exemple. Il y a un petit peu de ça, en fait, chez Eren. Effectivement, lui, c'est le type, bon, bah, c'est tout modeste, et puis il se retrouve à avoir ce pouvoir qu'on transmet normalement de génération en génération, qui a un pouvoir extraordinaire, qui surpasse tous les autres. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, mais parce que, selon lui, il ne voit pas tout ça, il a le regard d'un enfant. C'est pour ça que ça nous paraît encore une fois un petit peu réaliste quand on lit. Il n'a pas ce côté forcément de classe, etc. Mais après, quand il devient adulte, quand il se rend compte de tout ça, là, pour le coup, il le sait. Il sait que lorsqu'il mène son attaque, ce n'est pas les politiciens ou les riches spécialement, ou patronat qui tuent. C'est une partie peut-être des gens un peu plus aisés, mais il mène sa mission quand même jusqu'au bout. Donc, il est conscient, mais pour le coup, je dirais que ça s'efface quand même. Mais même quand il grandit, quand on retrouve cet Eren adulte qui a beaucoup plus conscience des choses du monde, ce qui m'a frappé, c'est qu'il effectue une deuxième révolution. Oui. Parce que même son frère, le titan bestial, qui en fait pense anticiper ce qu'il y a dans sa tête. On a l'impression en fait que tout le monde, à un moment donné, même si Eren s'est élevé au-dessus de sa condition, il y a toujours des systèmes qui disent « mais tu t'arrêteras là parce qu'on sait que tu iras pas plus loin ». Et en fait, Eren est celui qui dit « ah non, je vais pas m'arrêter là, je vais encore aller au-dessus et la vraie liberté, c'est que je ne réponds plus non plus à votre autorité ». Et c'est-à-dire que même pour les révolutionnaires, Eren est c'est pour ça qu'on l'a traité de terroriste aussi, parce qu'il mène ces attaques-là. Donc, oui, mais justement, en fait, c'est ça. C'est là où on revient sur les références. Alors, il me semble que c'est Cromwell, son nom. Là, en fait, on est vraiment sur ça. C'est Cromwell, en fait. C'est la révolution du peuple qui ensuite prend des formes plus ou moins tyranniques, quoi. C'est vraiment ça. Mais par rapport aux éléments de politique et de lutte des classes, je repense à un élément de la saison 1, du début du récit en tout cas, pendant le grand assaut, le moment où on découvre qu'Eren est un titan, etc. Il me semble qu'il y a quand même une histoire de rocher bloqué et d'un patron qui refuse d'aider les gens, etc. Donc il y a ces choses-là, et c'est cet acte-là qui va inspirer beaucoup, effectivement, une partie de la population à croire en ce nouveau personnage qui débarque, ce Eren, et qui de fil en aiguille mène c'est à, plus un messie, à ses soutiens. Tu vois, c'est ça. Il y a plus une vision messianique, avec le versant héroïque, sauf que l'identité est cachée en plus pendant une certaine manière. Mais oui, je crois que Isayama, je l'imagine quand même, qu'il n'a pas fait ça au hasard totalement. Donc oui, on peut penser qu'il y a peut-être un discours de ce côté-là. Et il y a de l'autre côté de l'océan, donc cet empire, l'empire Mar, qui semble coincé dans des guerres qui n'en finissent pas avec d'autres personnes que cette île de paradis. Et au contraire, eux, ils exploitent le pouvoir qu'ils ont de certains titans. On découvre plein de titans en ce moment-là. Oui, plein de titans, voilà. Et en fait, ils s'en servent comme une arme de guerre pour avoir l'hégémonie sur le reste du monde. Et être un martyr, c'est une récompense. Oui. Désolé, je t'ai coupé, Fred. Non, mais c'est tout à CV. On dit aux enfants que il faut bien bosser pour récupérer le titan et mieux se battre, encore une fois. Donc c'est une drôle de récompense quand même. En plus, on a vraiment quand même le sentiment qu'on est vraiment sur des gamins tout jeunes. Ah oui, vraiment. Ce sont des enfants soldats. Et en plus, c'est pas juste la récompense, c'est d'obtenir le titan. C'est aussi la récompense, c'est d'obtenir un titan et donc de ne pas avoir de vie, puisque les titans, ceux qui obtiennent le pouvoir des titans, sont condamnés à vivre quelques années uniquement, quoi. Donc, effectivement, c'est pas rien. Oui, et d'autant qu'en plus, donc les Eldiens qui vivent dans l'Empire de Mar sont dans des camps de concentration, sont parqués, mais avec une propagande où ils intègrent eux-mêmes une détestation d'eux-mêmes, qui, moi, m'a véritablement... Je pense que c'est le point de l'attaque des titans que je trouve le plus brillant et le plus prenant, parce qu'en plus, je pense que ça peut vraiment avoir des ramifications à plein de niveaux, il peut y avoir plein de lectures dans notre monde réel. Mais avoir une communauté et la conditionner pour qu'au bout d'un moment, elle ait elle-même intégré des fardeaux et des réflexes discriminants elle-même. Je trouve que c'est c'est ça le plus pervers dans l'attaque des titans. Ouais. C'est aussi une manière de réécrire l'histoire, en fait. Ça revient encore à ça, tu vois. C'est effectivement les gens sur l'île, les Eldiens sur l'île ont vu leur histoire réécrite et ne connaissent pas leur propre histoire, et eux réécrivent leur propre histoire eux-mêmes en se flagellant parce qu'ils sont sous cette domination. Voilà, c'est ça, c'est effectivement, c'est très prenant, c'est très dur à voir. Oui, parce que moi, un film qui m'avait fait un effet mais moindre, mais qui était sur la même corde, c'était le Django de Quentin Tarantino avec le personnage de Samuel Lee Jackson. Ah ouais. Qui vendait, qui était détestable. Oui, détestable, qui était plus discriminant avec les esclaves noirs que les maîtres blancs, tellement il avait intégré le discours des maîtres blancs. Après, mais c'est pas que ça. Justement, oui. C'est pour se mettre à distance, en fait. C'est ça. Et en fait, justement, je suis pas comme eux. C'est ça. Je ne suis pas comme eux. Je suis comme eux, mais moi, je suis de Mar, donc je ne suis pas comme eux. Gabi, je ne suis pas comme eux. On partage plein de choses, mais non, je ne suis pas comme vous les Eldiens, je suis comme les habitants de Mar, même si eux ne m'acceptent pas. Et ne m'accepteront jamais. Oui, ils ne m'accepteront jamais, absolument. Avec la question du talent aussi, tu vois, ce côté de te hiérarchiser quand même. Bon, t'es meilleur. Toi, tu vas pas réussir parce que t'es moins bon. Et comme ça qu'on s'élève, soi-disant. Mais un Eldien, t'es pas mal. Tu pourrais être un titan et mourir. Tu vois, bon... Pour moi, c'est ce moment où c'est la pirouette de point de vue et la dramaturgie la plus intéressante de l'attaque des titans. Et je suis vraiment surpris, que ça soit venu du Japon alors que initialement à plein de niveaux il y a la communauté hispanique, la communauté afro-américaine, il y a plein de gens qui pensent, qui écrivent, qui font avancer et j'ai été surpris de voir ça dans un manga dans un peuple qui assez souvent se présente un peu comme uniforme etc. et d'avoir qui est la conscience de ça. plus globalement, les critiques de la société japonaise, si on s'en tient à ça, elles ne sont pas légion dans les mangas. Il y a des mangas où, effectivement, je vous conseille de lire par exemple un manga qui s'appelle Ushijima, le surrier de l'ombre, où on va te déglinguer, mais à chaque page, la société japonaise, la façon de penser, tout, que ce soit politique, morale. Donc oui, c'est surprenant, mais replaçons-nous au moment où, alors pour ceux qui lisent le manga, quand les tomes sortaient, sur quoi est-ce qu'il part ? On met les pieds sur une île, enfin sur une nouvelle terre, avec une tonne de nouveaux titans, et on se retrouve un peu dans le même schéma qu'avec ces gamins, sauf que là, ce sont des gamins qui sont dans la guerre, ils ont grandi avec ça. Et c'est pour ça que tu disais, Gabi, ce miroir par rapport à Eren, on se dit, attends, est-ce que c'est un bis repetita ? Sauf que là, on est déjà des 5 ou 6 étapes après. Oui, donc titan, on est... c'est accepté. Oui. Tu vois, il y a plus... on est dans une manipulation, mais c'est pas du survivalisme. Oh là là, quel est le secret ? Je ne m'y attendais pas. Non, c'est, on a grandi dans ça. Et c'est commun, c'est normal, ça paraît normal. Alors que le début des Titans, c'est quand même une surprise incroyable de voir ces êtres apparaître. C'est d'autant plus vertigineux, effectivement, que la bascule est même temporelle, puisque en termes d'avancée technologique, en fait, on passe de cette île, disons, globalement moyenâgeuse, à des endroits qui font plus, effectivement, début du XXe siècle. Oui, ouais, début de l'industrie. Oui, c'est ça, ouais. Donc le vertige d'arriver dans un monde qui nous ressemble beaucoup trop est d'autant plus fort que... Ça renforce l'isolement aussi des reines, oui. En se disant, mais en fait, ce que l'on croyait être le centre du monde, parce qu'à ce moment-là, on croyait que tout se passait là-bas, je dis, mais vous êtes juste une petite bulle dans un coin perdu, et on a l'impression que vous êtes 100 ans en arrière, et que cette royauté aussi... Et cette ellipse temporelle, en plus, permet d'amener un règne qui a changé, physiquement, qui en plus, pour la première fois, ment. Parce que il apparaît sous les traits de ce blessé dans cet hôpital, etc. Il est devenu ce qu'il combattait. Ouais, et tu dis il ment. Il y a un des passages justement. Alors, je ne sais pas comment c'est traité dans le manga ça, mais il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est qu'on a très souvent accès aux pensées des personnages, notamment celles d'Eren. Et à partir de la saison 4, du coup à partir de ce moment-là, tu peux plus lire en lui. On ne connaît plus l'intérieur de sa tête. Et c'est vraiment le moment où on s'est dit oulala. Ouh là là, il se passe quelque chose, vraiment. C'est un indicateur, C'est vraiment très très fort. Il s'est même libéré du spectateur. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est ça. Oui. Et ce moment, en fait, où on n'a plus accès, est terrifiant. Vraiment, c'est très très fort. Au point où, je pense que beaucoup de gens l'ont reconnu très vite. Moi, j'ai mis longtemps à le reconnaître, à savoir que c'est arrivé tardivement. Moi, j'ai eu la première fois où je l'ai vu apparaître en manga, je me suis dit, c'est lui. Mais en fait, j'étais tellement attaché à Eren, ce petit garçon qui avait perdu sa maman, que je me disais non, c'est pas possible que ce soit lui. Et donc il y a une sorte de fracture qui se fait mentalement en tant que lecteur. Tu dis, tu sais que c'est lui, mais tu dis, j'espère que c'est pas vraiment lui, parce que sinon il devient inquiétant. Bah ouais, t'assistes en tout cas c'est comme ça que j'ai un peu ressenti à un échec. En fait, parce qu'il a son parcours et à la fois une réussite, parce que il voulait tuer tous les titans, il a réussi à percer ce mystère, à rejoindre. Donc il y a une avancée, il y a une progression. Mais c'est aussi un constat d'échec en te disant tu étais déjà ce que tu combattais, mais là t'es devenu un sale humain d'une certaine manière. Alors que être un titan qui défend les autres, ça va encore, on pouvait l'accepter, nous en tant que lecteurs, on se dit ça paraît. C'est souvent là où les autres mangas s'arrêtent. Oui, on se dit, voilà. C'était un méchant, il utilise les pouvoirs du méchant, mais pour faire le bien... Et là, et après tu te dis, dans ce milieu, c'est pas le négociation de Nojutsu qui va blanchir les cœurs de tout le monde. Et justement, on parlait tout à l'heure des mystères qu'il y a au début, un des mécanismes les plus utilisés dans le manga, un truc qu'on appelle souvent... dans le milieu, la mystery box, donc la boîte à mystère où on a des éléments en fait qui ne nous sont pas donnés et qu'on découvre au fur et à mesure, et l'excitation vient de la question qu'on se pose, à savoir qu'est-ce que ça va réellement être. Et la mystery box est globalement concentrée sur les secrets pendant la majorité de l'histoire. Et quand on a cette ellipse-là dont tu parlais, évidemment, là, la mystery box est déplacée en arrière. Et sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, comment est-ce que Eren a changé, encore une fois, une réinvention en termes d'écriture et de narration à ce moment-là de l'histoire qui est hallucinante en termes de maîtrise, quoi, de savoir, d'arriver là-dessus pour et un maîtriser, auteur. Maîtriser le mot, parce que justement, George R. R. Martin, pour Game of Thrones, on en avait parlé, il voulait en mettre une, il voulait faire une ellipse à un moment donné, et lui-même a dit « je n'en étais pas capable », et c'est pour ça qu'il a démultiplié ses histoires et ses personnages, parce que ça demande énormément de talent pour le faire, parce qu'il faut que tout se coordonne, et surtout, il ne faut pas du tout donner envie au lecteur de tout voir de cette ellipse. Parce que sinon, voilà, autant le raconter de manière fluide et d'une traite. Et j'aimerais, on approche de la fin de cette émission, j'aimerais qu'on parle aussi des similitudes qui existent entre l'attaque des Titans et Evangelion. Parce que c'est vrai qu'à Evangelion, on a fait un blockbuster dessus, est une œuvre qui a évidemment marqué tout un pan des créateurs japonais. Et est-ce que ça a infusé presque à un niveau inconscient chez Isayama, le jeune garçon qui, au bout d'un moment, va évoluer, mais peut-être différemment des attentes des spectateurs ou des lecteurs? Ces titans géants que l'on contrôle à partir de la nuque. Alors, pour Evangelion, c'est vrai que ça fait partie d'une œuvre qui a été l'enfant de 20 ans de production, que ce soit manga, pardon, ou animé, et on a tendance à dire que, à son tour, Evangelion est devenu influent pour deux décennies d'animation. Je me calmerai un tout petit peu sur les comparaisons, parce que, en réalité, ce sont des schémas, donc, de jeunes comme ça qui voilà s'affranchit, qui décide de ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans Eva par exemple. Au contraire, c'est un gamin qui est extrêmement peureux, qui au compte c'est le syndrome du hérisson, donc c'est quelqu'un qui se renferme. Eren, lui, il est en fait, on l'a comparé un petit peu au héros de Evangelion parce qu'il a un petit peu énervé les gens, en fait, un petit peu avec son comportement, parfois capricieux, parfois, voilà. Mais non, je marquerai des différences. Mais c'est il est bien plus exubérant que Shinji. Voilà, c'est vrai que Shinji est vraiment renfermé comme ça, puis il a un fantasme féminin, plusieurs autour de lui, bon. Par contre, c'est vrai que les Titans empruntent donc ce mécanisme, voilà, d'être dans un humanoïde géant depuis la nuque, d'être peu ou prou invincible, mais d'avoir une limite aussi, malgré tout, tout comme Eva en avait. Mais à partir du moment où Eva n'a pas inventé les robots, bon, c'est difficile de dire ça. Par contre, Isayama est un enfant de cette génération. Donc oui, effectivement, il a plus grandi avec Evangelion qu'avec Tetsujin 28 ou avec Astro, même si ce sont des œuvres qu'il connaît. Ensuite, pour le reste, je dirais que le combat spectaculaire, donc voilà, on parlait du MMA tout à l'heure, donc je ne le placerai pas en tant qu'enfant d'Evangelion, même si dans Anime Land, on a fait tout un article qui compare avec des points plus précis Evangelion et les Titans. Je dirais juste que les Titans, l'attaque des Titans est un enfant de l'époque de la génération Evangelion, et peut-être pas un enfant direct de Evangelion, il y a une petite nuance. Et est-ce que aujourd'hui il y a des héritiers à l'attaque des Titans? J'ai l'impression en fait que ils ont disséminé dans énormément d'œuvres leur influence. Mais par exemple, je lisais il y a très peu de temps Dan Dan Dan. J'ai retrouvé graphiquement des choses de l'attaque des Titans dans cette sur certains personnages. Je pense que c'est trop tôt, en fait. Tu disais tout à l'heure, par rapport à Evangelion, que simplement, en fait, l'influence est évidente. Et même si il n'y a pas forcément autant de parallèles que ça, effectivement, l'influence d'Evangelion a été telle sur toute la culture de l'animation que forcément, il va y avoir des parallèles. Mais il faut le temps que ça infuse. Et là, effectivement, je pense que tu retrouves des éléments disséminés à droite à gauche. Vinland Saga, peut-être un peu aussi sur le côté un peu politique. Les deux s'aiment beaucoup en plus, Yukimura et Isayama, ce sont a priori apparemment des personnes qui s'admirent. Mais c'est trop tôt en fait, je pense que c'est trop tôt pour voir quelque chose qui... Et puis en même temps c'est tellement singulier, il y a tellement de choses dedans, c'est tellement dense. Il y a quand même un truc, pardon, désolé. Ouais, vas-y, non, mais c'est tellement dense que j'ai du mal à imaginer que quelque chose lui ressemble trop sans que ça soit pas très intéressant. Oui. Je sais pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est sûr, c'est que pour l'instant il n'y a pas d'enfant graphique de Isayama. Des enfants de Toriyama, on en a vu 850. Des enfants de Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, il suffit de faire un petit tour sur Internet ou du côté des mangas amateurs pour voir qu'il n'y a que ça. Par contre, pour Isayama, je pense que c'est une école différente. Et je crois que s'il y a une influence d'Isayama, elle sera plus sur le ton, je pense qu'il y a des auteurs peut-être un peu plus sensibles qui vont aller dans ce ton-là de récit. Mais pour l'instant, non. Et je crois que, d'une certaine manière, tant mieux. Moi, je suis pas trop fan comme ça des enfants copier-coller. Tant mieux. Et une dernière chose qui m'est venue pour Evangelion, là où il y avait un parallèle intéressant, c'était la bestialité du gigantisme, dans le sens où les robots étaient plutôt mécaniques, voilà, mécaniques, froids. Là, c'est ce côté très bestial, d'ailleurs, on appelle le titan aussi bestial, mais le côté très bestial d'Eren, capable de déchiqueter vraiment violemment, c'est des scènes vraiment qu'on retrouve dans Evangelion, où le robot est plus un animal qu'un assemblement de métal, de métaux, pardon. Eh bien, c'est la fin de cette deuxième émission consacrée à l'attaque des titans. Bruno de la Cruz, merci beaucoup. Merci. Désolé d'avoir coupé la parole si souvent à Renaud. Renaud, c'est sans rancune, mais je suis un peu comme Eren et donc je vais me venger. Je suis foutu. On a vu que ça amenait rien de beau. Hein. Je sais pas encore. Merci beaucoup Renaud Besbourdier et je rappelle qu'on vous retrouve dès le 14 février tous les mardis avec L'oublié du cimetière de Greenwood, cette pièce de théâtre musicale au Théâtre que j'invite les auditeurs à aller voir et évidemment n'hésitez pas à vous procurer Animeland. Oui, notre encyclopédie des animés. Voilà, c'est un très très gros projet, 10 volumes à peu près, tous les animés de 1963 jusqu'à nos jours, pour tout comprendre, des évolutions de style, de registre, etc. Et vraiment, recevant beaucoup de livres compilant voilà, des informations sur le manga ou sur... Il y a vraiment une différence entre leur travail et ce que plein de gens font et sortent. Il voilà. y a des collègues aussi qui le font très très bien. Mais je les cite, voilà. Mais j'avais dit que je parlais pas de Mathieu Pinon aujourd'hui. non, lui aussi il le fait très bien. Oui, il est de la famille voilà, animée. Il fait de la famille. Mais il y en a d'autres, je peux citer leur nom, c'est pas bien. Et, bref, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne avec l'aide d'Étienne Kenel. Et aujourd'hui, on remercie Nicolas Goussin à la technique. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. On se retrouve dans 15 jours. On va parler, cette fois-ci, c'est la bonne, de Starmania. Blockbuster est un podcast original de France Inter.